merci d'avoir été là toute cette semaine. C'est tous les soirs hein, sur Fun Radio. On est là, Love in Fun, de 20h à 23h. Je rappelle que si vous voulez voir la danse endiablée de Karima, ça se passe sur la page Facebook Love in Fun. Et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, le site loveinfun.fr pour mater tous les replays et les vidéos pendant tout le week-end. En attendant, on va retrouver la Mickaël maintenant. Oui. Salut Mickaël. Ça va? Salut. C'est quoi, il y a une émission spéciale? Vous avez des invités ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi? Parce qu'on a vu des gens dans le studio d'en face. On a vu des gens. Oui, il y a eu Tris qui est passé. J'ai vu une femme. Ah oui, tout à fait. Pas, moi j'ai rien vu. Mais je te rassure, c'est pas la meuf de Toff. Hein, d'ailleurs, on doit attacher Toff. Non, Toff est à moi. Oui, bah très bien, pas de problème. C'est qui votre invité ce soir? Bah rien, c'est Louis Tris. Pourquoi? Ah, c'est une auditrice. Mais Karel, calme-toi. Ça y est, depuis qu'il a arrêté de fumer, lui, il est au taquet. Oh là là. Ah bah oui, il est dans les starting blocks. Est-ce que le doc file un coup de main là au niveau de l'arrêt de la clope? Pas du tout. Oui, bien sûr. Non, mais je sais pas si t'as des conseils ou quoi. Ça fait 3 jours et je ne suis pas chiant du tout. Je tiens le choc. Ah bon? Non, je n'ai pas changé de comportement. C'est-à-dire qu'il court partout dans la radio, mais sinon il n'a pas changé de comportement. On le voit tourner sur lui-même. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Ouais, non. Bon. Oh, ça va aller, t'inquiète. Oui, bah merci. Bah beaucoup. Écoute, je t'en prie, il est sur la cigarette électronique maintenant. Bah ouais, c'est mieux. Hein, et puis ça coûte moins cher. Hein, oui, et puis tu fais payer dans le studio. Exact. Non, ça je fais pas ça. Enfin bon, je vais avoir des problèmes si tu continues. C'est vrai. Ouais. Ah bah oui, couloir, je te le dis, hein. J'ai pas le droit. Oh là là, j'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Ah ouais. Bah voilà, bah bravo, très bien. Rebelle. Bon, je demanderai au sous-chef et au sous-sous-chef de passer à l'occasion pour voir. D'accord. Alors, Mickaël, bon courage. Merci. Je crois qu'il y a en ce moment une restructuration du son de Fun Radio. Oui, je monte. Bienvenue ce soir. Il y a un petit écho très sympathique. Ouais, mais dans le casque, normalement les auditeurs ils entendent pas. Non, normalement. Sinon, on fera zéro audience ce soir. Bon. Écoute, bon courage. Bisous. Amusez-vous bien. Toff, Polo, bisous. Et moi, je pue la merde. Bisous, Mickaël. Mais toi, il y en a trop pour toi. Karel t'aime trop. Donc, moi, je donne à Polo et Mickaël. Depuis que j'ai reconnu les chaussures de Karima, là, c'est la fête. Moi, je les donne à l'auditrice, perso. Ah, bah, très bien. Voilà. Le message est passé. Il se passe un truc, là. Ouais, mais que tu vois, il y a une frontière à la fenêtre. Ah, oui, il y a la fenêtre. J'arrive. Allez, bonne soirée. Bisous, à lundi. 2h du match. Ah, oui, lundi, oui. Allez. Oh, oui, c'est le week-end. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Bon ben j'espère que vous avez passé une bonne journée. Avant vous ne saviez pas quoi écouter le soir, mais ça c'était avant. Maintenant il y a Mickaël No Limit et c'est pour ça que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux derrière votre radio. De 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi, puis le dimanche également, de 20h à minuit. Alors moi c'est Mickaël, pour ceux qui viennent de découvrir l'émission. Si vous voulez passer l'antenne avec nous, bah c'est facile, hein, vous faites le 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Si vous voulez parler avec nous, d'où que vous soyez, n'hésitez pas. Il y a Sandro également, comment ça va Sandro avec le dépanneur là? Pas de nouvelles. Ah bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. Bon, on l'appellera. Je l'avais dit, on devait appeler le dépanneur avant-hier. On a appelé, ça sonnait dans le vide, il a pas décroché. On devait le rappeler hier et pour le coup là, c'est notre faute, on a oublié. Et puis donc ce soir, j'ai dit qu'on le ferait direct au début de l'émission. Donc nous allons le faire. Je rappelle que Sandro est tombé en panne avec sa voiture pas hier mais avant-hier et du coup, il y a le dépanneur qui est venu dépanner la voiture et qui a dit "Ah, c'est toujours un plaisir", qui a envoyé un texto derrière en disant "C'est toujours un plaisir de dépanner des jolies jeunes filles." Ouais. Voilà. Et donc du coup il veut bien la dépanner elle-même. Bah voilà, c'est ça. Donc du coup on a son numéro de téléphone et il faut qu'on l'appelle hein, pour qu'il y ait la suite, pour qu'il y ait la réponse. Et alors attention, j'enlève la musique, j'enlève tout hein. Bravo à Toff. Vous allez certainement vous dire pourquoi il dit bravo. C'est pas pour sa meuf. Non, c'est pas sa meuf. Et ni le voyage en Égypte, rassurez-vous. Ni le voyage en Égypte avec la meuf. On ne sait pas laquelle c'est, mais il y en a une a priori. Ouais. Non, ça y est, bravo. Hein, Toff qui va enfin recevoir sa première plainte grâce à notre ami le juge d'application des peines que nous avons rencontré hier, qui était pourtant tellement sympathique. Par contre, arrêtez de me casser les couilles parce que sincèrement, le jour où je vais m'énerver, si jamais j'arrive à vous retrouver, je vais vous mettre une grande pelle dans la gueule. Bah heureusement, elle a pas encore retrouvé, donc c'est toujours la femme hein. Non mais je vous emmerde, je vous demande pas si votre femme elle baisse bien. Vous voyez, bah on aura dû hein. Ah ben le 01 40 48 50 00, oui c'est le numéro qu'il m'a donné hier. parce que moi je l'ai questionné, mais ce monsieur il est particulier. Moi j'ai rappelé ce matin et ce numéro ça correspond au siège général de EDF à Paris. Alors ce qui est bien c'est que il a quand même, tu vois, c'est un peu Colombo, tu vois, il s'est quand même un petit peu renseigné puis on l'avait rappelé hein. Mais je m'en branle de vos questions de merde ou pas merde, j'en ai rien à foutre. Voilà, exactement. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé là. Et ben complètement, et comme je viens de voir passer le monsieur qui gère le son là, oui effectivement il y a un petit écho dans le casque. Hop, le message est passé comme ça vite fait. Et ben, tu vois, dernier. On a passé ton numéro, tu vois Guignol. Tu te fais niquer comme un âne. Eh oui, Toff s'est fait niquer comme un âne. Comme un âne. J'aimerais bien voir comment ça fait. Ah bravo, bah écoute, Toff. Comme un âne. Voilà, donc ça y est, première. Oui, bravo, bravo, on peut l'applaudir, bravo. Eh oui, ça y est, c'est première plainte. Hein. Voilà. Félicitations, bravo. J'attends de la recevoir sur papier, je la mettrai sur le Facebook. Évidemment, on va la mettre sur le Facebook sans problème. Pendant que Polo, lui, évidemment, passe du bon moment avec son mec Stéphane, qu'il a rencontré au Starfloor. Avec ça, c'est pas un mec, c'est une fille. On passe pas de bon moment. Et qu'il continue à faire du pipeau. Magnifiquement bien d'ailleurs. Ouais. Magnifique. Bon, je la salue, je l'embrasse. D'accord, bah tant mieux alors. Bon, et puis comme on voit les tweetos également ce soir là, bienvenue si vous venez de débarquer. Comme tous les soirs, vous allez pouvoir réagir avec le hashtag Mickaël. Et puis ce soir, on offrira un sextoy au 6ème. Pour changer. On fera le top 5, mais ce sera le 6ème qui repartira avec un sextoy. Je rappelle le principe. D'habitude, c'est toujours pour les 5 premiers. Là, on a décidé de changer. Donc, si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous aurez de chances d'être dans le top 5, pardon, à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël. Il y a un message de Benoît qui dit: ah oui, lol, le Jap, ça y est, il a reçu la plainte. Oui, c'est fait, ouais. Non, on l'a pas reçu encore. On l'a pas reçu, mais on en a entendu parler, quoi. Il a appelé Bruno ce matin pour lui dire que ça allait gueuler, quoi. Et on nous dit, toute la journée, on m'a dit: ouais, il y a des mecs qui portent plainte contre vous, on en a rien à foutre. Et on est des rebelles, qu'est-ce qu'il y a. Bon, il y a Julien aussi à la Skin qui dit: Toff a une plainte au cul, des barres. Bravo, Toff, c'est Pierre. Cheyenne également qui dit: coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et puis 7 du 5-9 qui dit: Mika, oublie pas, il faut appeler le dépanneur de Sandro. Oui, t'inquiète, merci, 7. J'y avais pensé tout seul pour une fois. Et Baptiste qui dit: quel bonheur de vous retrouver. Bonsoir, toute l'équipe, là, content de vous retrouver également. Et puis Stéphanini qui dit: une plainte. Oui, Toff va finir à Guantanamo. Oui. Ouais. Oh, c'est à Cuba, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Hein, c'est t'as sympa. Le côté un peu caraïbe, hein, ouais. Tout ça. On sympa. Va se faire démonter dans les douches. Ah oui, la savonnette. Ça va ramasser de la savonnette. Ah oui, complètement. Bon, allez, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. On va saluer également Samy qui est avec nous là. Bonsoir Samy. Ouais, salut Mickaël. Ouais. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, tranquille Samy, t'appelles de Marseille, c'est ça? Marseille, les Bouches du Rhône. Ah, allez l'OM. T'es pour l'OM ou pas? Évidemment. Ah, on sait jamais. Attends, j'ai déjà eu des Marseillais qui étaient pas pour l'OM. Bah ouais. Alors, c'est pour ça. Moi, c'est 100% Marseille. Bon, bah très bien, parfait. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi, Samy? Bah, on va parler de problèmes de couple avec mon ex-petite copine. D'accord, très bien. Bah écoute, bouge pas. C'est quoi en particulier? C'est en fait toi, ma compère avec mon meilleur ami d'enfance. Oh l'oncle. Mon meilleur ami d'enfance, je le sais, mais il veut pas me l'avouer, tu vois. C'est ça qui Ah, il continue en fait. Ah ouais, mais ça, ouais, d'accord, ok. Ouais, très mais bien, en même temps, ça, tu leur as dit de jamais avouer. C'est vrai, s'il a suivi mon conseil, j'ai toujours dit, hein, ne jamais avouer, même si vous faites griller dans une autre meuf, vous dire, c'est pas moi. Il faut jouer. Une fois que t'es pris sur le fait, qu'il faut jouer la carte de la mauvaise foi jusqu'au bout, de toute façon, t'as rien à perdre. Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. J'irai pas jusque-là. Ouais, c'est donc. Mais faut t'avouer, faut t'à moitié pardonner. Ouais, faut voir. Moi, encore une fois, si ma meuf me trompe, je préfère pas le savoir. Qu'elle ferme sa gueule, je veux pas le savoir. Justement, bon, là, je c'est différent t'en parce que tu sais, mais. mais c'est différent. Bon, Samy, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Tiens, si vous vous êtes déjà fait tromper par votre copain ou votre copine, ou est-ce que vous les avez déjà pris sur le fait, venez nous en parler également. Vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Toi, je te pose pas la question de savoir si t'as déjà trompé quelqu'un. Jamais. Oh, bah oui. Jamais, je n'ai jamais. Tu vois, c'est pour ça qu'il va finir à Guantanamo. C'est pour ça qu'il va finir là-bas. C'est pour le menteur. Ah ouais, mais c'est sûr. En fait, il y a un espèce de bip comme ça, tu sais, dès qu'il ment et ça se voit, quoi. C'est une espèce de gyrophare sur la gueule. Je n'aurais jamais osé tromper une meuf. Oh bah non. Cet homme est un artiste du mensonge. Ah, complètement. Il ment. En allemand, en français, en tout. En tout. Quel talent. En bravo. Tout. D'ailleurs, il y a une auditrice qui est passée nous voir. Exactement. Il y a une auditrice qui est passée nous voir qui s'appelle Camille, qui va allumer son micro, là, son bouton rouge. Bouton red button. Le red. Alors, je tiens à expliquer. Bonsoir Camille. Juste, attends, vas-y, d'abord pardon. La petite question. Est-ce que quand Toff te dit je n'ai jamais trompé, est-ce que ça transpire l'honnêteté? C'est louche. C'est louche, hein, c'est ma plus que louche, hein, on est au-delà du louche. Après tout ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que t'as fait pour elle aujourd'hui? Jusqu'à l'ascenseur. Voilà, je l'ai emmené dans l'ascenseur. Ah ouais. Tu sais que Camille voulait venir et elle avait peur de venir. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va mettre Tof d'un côté, y a pas de problème. Note, t'as pas l'air de te laisser faire, donc ça devrait bien se passer. Hein. Non, elle m'a. Bah, dans l'ascenseur, bon, elle m'a tapé, hein, faut que je dise la vérité. Bah, elle a raison. J'ai dit qu'on te mettrait par terre attaché, qu'elle pourrait choter dedans. Ouais, bah, elle a véridique, déjà, hein. Elle a déjà commencé dans l'ascenseur. Et bah, parfait. Bon. Très bien. Bah, nous continuerons comme ça, c'est magnifique. Bon, on va accueillir également Elodie qui est avec nous, là, du 9-1. Salut Elodie. Salut. Comment ça va? Ça va tranquille. Bon, tant mieux, Elodie. Toi, tu es là pour gagner l'iPad Air. Ouais. Très bien. Sache que c'est le dernier, là. Dernier iPad Air à gagner. Ah oui, ça sera peut-être pour toi, Elodie. Le principe est relativement simple. Il suffit simplement de poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, eh bien, tu perds et l'autre gagne. Si personne ne décroche ou que la réponse à la colle est mauvaise, eh bien, ce sera toi qui gagnera. Bah, c'est ce que Elodie. J'espère. Bah, écoute, je l'espère aussi. Et ce soir, on offrira l'iPad Air avant minuit. Oh, c'est beau, ça. Ah, bah, cool. Parce que je pense également à ceux qui peuvent pas forcément rester jusqu'à minuit 30. Donc, avant minuit, dans moins de 50 minutes, on saura si tu gagnes ou pas. Vas-y, fais péter la colle, s'il te plaît, Elodie, on t'écoute. Alors, nous sommes deux sœurs. Ouais. Nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Bon. Qui sommes-nous? Très bien, moi j'aurais fait un peu plus long encore l'énigme, Elodie. Bon, je répète, nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? C'est bien ça? Oui. Très bien. Alors, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et je vous mets également, là, je vous l'ai mise depuis quelques secondes, la colle de ce soir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Donc, vous pouvez aller y répondre. Vous pouvez également la lire. Bref, vous pouvez voir aussi les réponses qui ont été données. Nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Voilà. Bonne chance, tout le monde. On donnera quelques réponses d'ici quelques minutes si y en a des bonnes ou s'il y en a des mauvaises. Et puis, Elodie, avant minuit, on saura si tu repars ou pas avec l'iPad Air, d'accord? D'accord, ben c'est ce que j'espère. Eh ben, je l'espère également, Elodie, donc ne bouge pas de là. On va également écouter du son ce soir avec Avicii. Ah. Je vous calerai Hey Brother, you're aussi Asi. Born Again, le son de Klein Carousel, hein, histoire de bien chiller. Et en chillant, on mettra également le son de Drake. Et oh, c'est toujours un de mes sons préférés. Eminem, Rihanna, Monster. Et un son que vous nous avez fait découvrir également, pour une fois c'est vous qui nous l'avez fait découvrir il y a deux semaines, New World Sound avec The Flute. Son qui a été totalement inspiré du pipeau de Polo, faut le savoir quand même. Ouais, hein. C'est du plagiat. Polo est en français. Hein. Exactement. Voilà, donc si vous voulez délirer avec nous, on est là jusqu'à 2h. Je rappelle que c'est jeudi et le jeudi c'est... Ravioli. Voilà. Quel minable. Putain, j'allais le dire. Pauvre con, t'es vraiment, il sert à rien lui. Je savais qu'il allait dire ravioli ou non, mais merde. Mais il fonce dans le tas, lui. Non, mais complètement, lui. Il fera moins le malin qu'il sera en prison. Ouais, parce bah que exactement. Le juge, là, il est sur ton dos. Le juge d'application des peines. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier? Si vous voulez qu'on le remette, le juge d'application des peines. Parce que c'était le canular de Tof qui était quand même surréaliste, puisqu'il s'est quand même fait traîner en justice en direct. Les gendarmes étaient à la porte du studio. Exactement. Donc, si vous n'étiez pas là hier et que vous savez pas de quoi on parle, vous voulez écouter ce qu'on a fait hier, dites-le nous. Camille, tu étais là hier, t'as écouté l'émission hier? T'as entendu le juge d'application des peines? Ah voilà, t'aurais bien voulu que Tof aille en prison, non? Bah, il faut parler, parce qu'en radio, c'est juste les mimés, c'est... Oui. Ah voilà, très bien. Bon, donc du coup, si vous n'étiez pas à l'écoute hier et que vous voulez l'entendre, eh bien, on vous le remettra avec grand plaisir. On va récupérer Samy avec sa meuf qui l'a trompé par son meilleur ami, donc il voulait un petit peu voir comment ça se passe. Si vous vous êtes déjà fait tromper, ben appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a également un message du connard sur le Twitter qui dit « Sandro, moi aussi, je veux bien te dépanner. » Il y a Anadel également. Salut Mickaël et toute la team. Juste pour vous dire que j'adore ce que vous faites. Continuez, c'est trop fort. Merci Anna. Et Benoît également, félicitations Tof pour cette grande première. Ça s'arrose. Ne t'inquiète pas, nous l'arroserons comme il se doit à Montpellier. Avec on sera là dès demain, bien entendu. Allez, restez sur Fun Radio. On va faire l'appel au dépanneur. Ce sera avec Sandro dans quelques minutes. L'iPad Air a gagné avant minuit ce soir. C'est à minuit qu'on vous file l'iPad Air. Et puis on va vous faire péter le son d'Avicii dans quelques minutes. Ce sera le son de Hey Brother sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs sur Fun Radio, de 23h à 2h la semaine et de 20h à minuit tous les dimanches. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Please call again. Mickaël No Limit. tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Ouais. Bienvenue si vous voulez débarquer. Mickaël No Limit, il est 23h15. Attention, ce soir, canular. On va se faire tout à l'heure un petit canular. Si vous voulez d'ailleurs faire un canular, ce soir, si vous voulez appeler quelqu'un en particulier, les parents, les frères, les sœurs, les potes, pour leur faire n'importe quoi comme canular, eh bien, il y a des casques focales à gagner ce soir. Donc n'hésitez pas, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et vous pouvez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission là pour gagner votre iPad Air à la colle d'Elodie. Il va falloir répondre, nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez simplement MIKL, les 4 lettres espace la réponse au 64 900, ou directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance et l'iPad Air est à gagner avant minuit, donc il vous reste 3 quarts d'heure pour vous inscrire. Il y a Thomas aussi qui dit: je vous adore, trop délire avec vous, tu peux me passer le bonjour? Eh ben, le message est passé également. Et j'embrasse Drac également là, qui m'a envoyé un message sur Twitter et qui pour l'instant est encore en mode j'écoute des radios de merde, mais ça va changer, ça va changer. Je lui fais confiance, je lui fais confiance. On écoute Avicii maintenant, c'est Hey Brother. Hey Brother. C'était le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Hey Brother. Allez, bienvenue si vous arrivez, il est 23h20, il y a Julien qui a envoyé un message qui dit: je vous adore, vous êtes les meilleurs, un petit tu aimes le sperme pour moi. Oui, alors attends, parce que là il faut que je le retrouve. Attends, c'est notre ami Gilou là qu'on doit avoir ce soir, c'est son anniversaire. Cette demande. Bah oui, attends, je l'ai là. Tu aimes le sperme. Voilà, c'est notre ami Gilou, c'est son anniversaire aujourd'hui, on l'appellera tout à l'heure. Il y a Milly Philou qui dit: je veux réécouter le juge. Moi, il y a Thomas également, je vous adore trop, délire, est-ce que tu peux me passer le bonjour? Bah c'est fait. Stéphanie qui dit: moi j'étais pas là hier là, je veux bien réentendre l'appel. Bah attention, c'est du très très lourd. Hein. Ah mais c'est du. On est au-delà du lourd là, on est au-delà de tout là. Je crois que c'est un appel le plus improbable qu'on ait jamais eu l'occasion de faire. Pour moi, c'est le meilleur depuis le début. Hein. Complètement. Il y a Dédé aussi, je crois que Hey Brother de Avicii tombe bien car beaucoup d'Africains du Sud considéraient Nelson Mandela comme un frère. Oui, Nelson Mandela qui nous a quittés d'ailleurs. Le prince Nadia qui dit: la dernière de la semaine déjà, mais on n'oublie pas que dimanche on retrouve Mickaël en direct de Montpellier. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'on sera demain d'ailleurs aux alentours de 16h30, 17h sur l'esplanade. Putain, ça fait 100 fois que je le dis, je l'ai oublié. Sur l'esplanade du lycée Joffre. Voilà, on aura des cadeaux, il y aura des PS Vita, enfin une PS Vita qu'on a réussi à choper tout à l'heure dans l'armoire de Fun. Là. On a volé, hein, tu peux dire la vérité. On a piqué dans l'armoire de Fun. On aura également des CD, des DVD, les Starfloor également. On aura des places pour I Love Techno. Bref, on vient les mains chargées. Et puis on aura Toff également, vous pouvez venir avec des tomates. Je me cacherai derrière Polo, hein, j'annonce. Oh là là. PS Vita à celui qui le vise. Ah, on sera bon avec ça. Et double PS Vita, attention. Double corps si vous visez son dos. Non, non, alors là, je viens pas sur la tête de ma mère que je viens pas. Laisse ta mère tranquille, t'as compris? Pas pour rien. Et si tu viens pas, on vient te chercher, nous on va te tuer par les cheveux. T'inquiète pas, on va venir, tu vas monter dans cet avion, tu vas voir. N'oubliez pas que Polo est chauve. Oui, exactement. Il n'a pas un cheveu sur le caillou. Et que moi je suis brun et voilà, donc il faut pas me viser, tout simplement. Voilà, donc non mais franchement, visez bien Toff, n'hésitez pas. Dans sa gueule. C'est lui, ça compte quadruple si vous le touchez. Voilà, donc demain, vers 16h30, 17h sur l'esplanade du lycée Joffre. Et on ira bouffer aussi samedi soir après le match de foot au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez. On fera un match de foot, donc vous êtes les bienvenus pour venir, bien sûr. Et puis on ira bouffer aussi là aussi, vous serez les bienvenus si vous voulez venir bouffer avec nous. C'est au frais de Fun, donc profitez-en bien. Stéphanie qui dit: mon Toff, je viendrai te voir en prison. Ah bah voilà, très bien. Merci, au moins une qui m'apportera des oranges. Tu parles. Salut Mika, prêt pour Montpellier, c'est Yvan. Ah bah oui, t'inquiète, j'ai vu la météo, 14 degrés plein soleil. Oh, t'inquiète pas, je suis au taquet là. Et Carlier qui dit aussi, c'est Warren plutôt, vous pouvez repasser l'appel de Toff. Ah bah tout le monde veut réécouter l'appel au juge d'application des peines. Ouais, ah bah si. En même temps, il était énorme. Étonnant. Bah on va en parler, on va le remettre dans quelques minutes. Et puis est-ce que vous vous êtes déjà filmé en faisant l'amour? Moi non. Polo non, Toff. Bon, je pense pas qu'il va dire non, mais ça va être oui, bien sûr. Non, alors je me suis jamais filmé tu mets la caméra sur le côté, mais ouais, j'ai déjà filmé la meuf en train de me sucer ou des trucs comme ça. Oh, voilà. Mais quel porc! Quelle honte! Oh là là, j'ai cette image là qui arrive en tête là, qui m'angoisse. Sandro, c'est déjà filmé en train de niquer? Non. Oh, ce nom qui a dit beaucoup plus que le mien. Non, parce que je suis en train de me faire draguer en même temps. Mais arrête ton cinéma là, sérieuse! J'annonce sur YouPorn, retrouvez Sandro. Sandro, vous tapez Sandro sur YouPorn. La sextape de Sandro. Je paye. Tu sais comment je suis. POAO@funradio.fr. J'offre une PS4. une PS4 et moi je rajoute 200 euros. Waouh, de ma poche comme ça. Comme je suis blindé, ça. Je m'en branle. Vas-y, tiens. T'es là, grand prince. Bah, c'est parfait, très bien. Et Camille a déjà fait. On t'entend mal. Non. Ah, très bien, parce qu'en fait elle ouvre son micro, mais elle dit non, mais sans sortir de son, donc c'est pas pratique. Et Dexter le stagiaire, il a déjà fait des sextapes? Oui. Ah bah très bien, donc bah, lui il a déjà fait apparemment. Et Jackie et Michel, hein. Ah oui, Jackie et Michel, oh, attention, Michel c'est du très lourd. Non, en fait je parle de ça parce que c'est le tribunal de Mons qui vient de rendre un jugement qui dit que si vous avez un rapport consenti, vous pouvez le filmer sans demander l'avis de l'autre. Ah. Vous pouvez raconter l'histoire, hein, c'est un prof d'une salle de sport qui filmait ses rapports avec les femmes qu'il rencontrait à la salle. Mm-hmm. Et qui n'était évidemment pas toute célibataire, sauf qu'un jour, bah, y a une des meufs qui s'est rendu compte et a porté plainte. Mais comme le prof gardait les vidéos pour lui, il n'a pas été condamné. Ah, voilà. Le bâtard. Donc, venez nous dire si vous avez déjà filmé vos rapports et si vous l'avez dit surtout, et puis est-ce que vous avez aimé. Venez nous en parler. Maintenant, vous appelez Sandro, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, Tof, du coup, tu vas demander à tes amis ce soir s'ils se sont déjà filmés. Bah, évidemment. Bah, très évidemment. Bien, bah, évidemment. Épilez vos poils de cul. Non, c'est pas le sujet de ce soir. Le bâtard. Oui, ça par contre, effectivement, ce sera le sujet de ce soir. Donc on va les appeler dans quelques minutes, tous ces gens. N'hésitez pas à nous envoyer des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci. Vous envoyez les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On fera les premiers appels dans quelques minutes. Il y a Let's Be Freaks qui dit « Je me ferai incarcéré dans la cellule de Tof. Je te laisserai jamais seul dans cet endroit, Tof. » Quelle chance il a. Oh. Il a une amoureuse. So je sweet. Rêve d'avoir une amoureuse. So sweet. Bah, il y a une salle. Je me sens aimé. Il y a une salle pour pouvoir niquer en... Bah, à Guantanamo, je suis pas sûr, mais dans l'absolu, ouais. Eric Diemix aussi qui dit « Moi, je me suis déjà filmé en train de me branler, ça compte. » Oui, c'est complètement idiot, mais pourquoi pas. Fred S qui dit « Quel grand dégoûtant, ce Tof. » Et DJ Comac qui dit « J'ai surpris ma meuf en bouche à bouche avec mon pote. Elle m'a fait « Non, mais c'est pas ce que tu crois. » Tu as attrapé un truc au fond de sa gorge. Oui, c'est ça, il allait s'étouffer, j'essayais de le sauver, tu comprends, c'est vraiment ça. Hein. Bon, on appelle le dépanneur. Parce que sinon, ouais, on va encore remporter, là il est déjà 23h25. Direction El Dépanneur. Allez hop, c'est parti, on y va. Si t'arrives Sandro. Mais là, il y a problème. Un truc au standard qui va pas là. Oui, bah. Ça me perturbe, c'est quoi ? Appel entrant, non identifié. Attends, c'est peut-être juste. C'est juste. Attends, je le décroche. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, elle a décoché Alinéa. C'est bon, j'ai compris. Mais j'ai commandé aussi pour toi et tes neveux Alinéa. Pour qu'il ressemble qu'à vous. Jusqu'au 24 décembre. Par condition de vos 7 magasins. Un appel entrant alors qu'on n'est pas censé recevoir. Dans bowling du stadium. Mais c'est sérieux ça Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon, ce que c'est. Bah c'est rien, écoute, c'est pas grave. Hein. Bah on a eu la pub pour le coup gratuit hein, d'Alinéa. Me remercie pas surtout hein. Alinéa. C'était gratuit, c'était offert, hein, vous emmerdez pas. Bon, du coup, on appelle le dépanneur, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant le dépanneur, Sandro soit concentré. Tu te débrouilles hein. Ouais, je me débrouille, ouais, t'inquiète. C'était jeu à toi. Donc je me fais passer pour ton mec hein, et je l'engraisse. Non, ouais, non. Oh, tu vas voir qu'il nous fait. Il va nous refaire le coup du décroche pas, le dépanneur là. Putain, même coup qu'avant-hier. Oh, déception. Déception totale. Décroche là qu'on se marre. C'est mort le dépanneur. Ouais, c'est mort, il faut laisser tomber les gars. Non, mais non, il faut pas laisser tomber. Il a une meuf et il essaie de s'esquiver là. Ouais, peut-être, ouais. Merde. Oh là là, envoie-lui un message Sandro, dis-lui que t'essayes de le joindre. Mais arrête. Mais oui, parce qu'il décroche jamais à mon avis. Je l'envoie là maintenant. Il doit pas décrocher des appels masqués ou tu vois un truc comme ça. Mais ça se trouve il est avec sa meuf. Oui bah peut-être qu'il était. Bah en même temps il t'a dragué donc bon l'un dans l'autre hein. Ouais mais on va pas foutre la merde. Ouais ouais mais cool. Ça se trouve il va décrocher, il va dire ça. Je te sucerai le sang et tout. Ah tu vois ça va être la folie hein. Bon et on vous signale qu'on est déjà en top tweet ce soir. C'est bien, merci beaucoup avec le hashtag Mickaël 23h27. On va récupérer Samy là, le Marseillais. Allons Marseille. Oui. Bon, est-ce que t'écoutais l'émission hier ou pas, toi? Comment je pense? Je te demandais si tu écoutais l'émission hier ou pas. Non, hier, non, j'ai pas écouté hier. Ah, donc tu n'as pas entendu quand Tof s'est fait enguirlandé par le juge d'application des peines. Non. Et par la police, hein, la gendarmerie. Carrément, ouais, on les a eu en direct et tout. Et là, il a reçu une plainte au cul, Tof. Donc, bientôt à Guantanamo. Oh, j'adore. Voilà, il sera bientôt incarcéré, c'est parfait. Ah, bah, on va être bien, Tof. On va être très très bien. On va vous le remettre dans quelques instants, l'appel pour ceux qui n'étaient pas là hier. Bon, Samy, toi, tu nous appelais parce que tu penses que ta copine t'a trompé avec ton meilleur pote. Mais est-ce que tu penses ou est-ce que t'es sûr? Ouais. Non, j'en suis sûr. Tu vois, j'ai vu des messages. J'ai entendu des messages vocaux, tout ça, j'en suis sûr, c'est pas, je pense. D'accord. Bon, parce que moi, je, comme j'ai vu, dans le standard qui était marqué, il pense que sa copine, c'est pour ça que je voulais être sûr, quoi. Non, non, je suis sûr certain, mais voilà, je veux que mon collègue, en fait, il me l'avoue, tu vois. Mais pourquoi faire ? De toute façon, tu lui parleras plus. Après ouais, ça. Ouais, mais ben, ça, je lui parle pas déjà, là. Ah ben voilà, mais alors pourquoi tu laisses pas tomber, t'as qu'à virer ta meuf et puis basta. Mais non, c'est quand même la fille avec qui j'ai passé 5 ans de ma vie, tu vois. Non mais d'accord, ok, mais après c'est une chose, mais en même temps, oui, bah lui il est coupable, c'est sûr qu'il aura pas dû le faire. Mais maintenant, la meuf, tu l'as virée déjà ou pas? Ouais, je l'ai virée, mais elle revient tout le temps, tu vois, elle me dit laisse-moi une dernière chance, nanani. Ah en plus elle demande une dernière chance. Voilà, moi je veux que mon collègue, après elle me fait douter, tu vois, en me disant, en m'expliquant que comme quoi elle m'a pas fait ça, tout ça, elle me fait douter. Ouais. Oui, bah j'imagine, ouais. Mais lui, c'est-à-dire que lui ne veut pas l'avouer. Quand on parle avec lui, il dit quelque chose? Non, il veut pas l'avouer. Tu vois, je veux qu'il me l'avoue, comme ça, je suis sûr certain. Les deux, c'est d'accord. C'est bon. Total. D'accord. Attends, parce qu'il y a Baptiste aussi qui est avec nous, qui lui aussi a le même problème que toi. Il appelle de Paris, il a 19 ans. Salut Baptiste. Salut. Oula, Baptiste. Oui. Oui, on t'entend très mal. Tu as le kit main libre. Ah non, je peux expliquer. Ah bah je pensais, autant pour moi. Juste un téléphone pourri. Baptiste, ce sont les choses qui arrivent, même au meilleur. Baptiste, alors toi tu voulais aussi... Ah toi t'as trompé ta copine, c'est ça? Ouais, c'est moi qui l'ai trompé. Ah bah bravo. Hein? Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air triste, t'as fait une connerie, tu veux réparer, tu regrettes, tu vas pleurer, t'es une petite merde, non? En fait, moi j'avais deux problèmes. C'est qu'elle est plus âgée que moi. Oui, ça c'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Elle a 37 ans. Moi j'ai 19 ans en fait. Oui, oui, 19-37, oui, c'est un écart, c'est vrai. C'est un gouffre après. C'est ta meuf ou ta maîtresse la 37 ans? Non, c'est ma meuf. Ah, c'est ta elle meuf. Elle a pas 37 ans, elle a 47 ans. Ah oui, donc là c'est pardon. Non, là on est plus dans un gouffre là, c'est-à-dire qu'elle est bientôt décédée là. Bah c'est bientôt la retraite. Moi j'ai envie de dire, c'est vrai. J'ai envie de dire c'est un bon investissement, hein. Oui, c'est vrai. Tu lui feras prendre une bonne assurance vie et pour toi c'est pas son âge en fait. Bah heureusement, mais t'inquiète pas, à 47 ans elle va le faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas t'endormir avec elle, tu vas la voir en mode bonasse et un matin, hop, tu vas te réveiller et tu vas dire qu'est-ce que c'est que ça? Maman? Ouais, c'est pas faux. Bon, alors Baptiste, reste avec nous. On va en parler dans quelques minutes. On se met le son de Asie avec Born Again et puis on fera les appels de Toff également. On va récupérer Samy. On va prendre Adrien et Thomas qui voulaient réagir. Étonnant que des mecs. Et si vous êtes une fille, vous avez envie de donner votre avis aussi. Si vous voulez cracher un peu de haine, votre haine. Si vous voulez cracher votre haine, n'hésitez pas. Vous nous appelez maintenant, les mesdemoiselles. Si vous vous êtes déjà fait tromper par ces connards que sont les mecs. Oh, les 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Surtout si vous êtes déjà sorti avec Toff. Oui. Là, je pense qu'il y a du quoi faire. Hein. Oh là, tu vas avoir beaucoup d'appels. Ah oui, j'imagine, ouais. Allez, on fait ça dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. 23h30, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. C'est Fun Radio et le son d'Asie. À l'instant, c'était Born Again. On vous cale aussi le son de Clan Carousel dans quelques minutes. Ce sera Santans. Et puis je vous remets également l'appel de Toff hein, qui lui a valu une petite plainte hein, aujourd'hui. Hein. Mais oui. Bravo, félicitations, c'est bien. J'attends avec impatience de la lire. Mais j'imagine. Puisqu'on avait appelé le juge d'application des peines. Bon, sans le savoir évidemment, on l'avait appelé hier et ça s'est plutôt mal passé. Hein, ça s'est plutôt même très mal passé. On va vous le remettre dans quelques minutes pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier à l'appel chez le juge d'application des peines. Et je vous avais demandé aussi si vous vous étiez déjà filmé en faisant l'amour. Donc là pour l'instant, comme par hasard, c'est arrivé à personne. Non. C'est arrivé à personne, c'est quand même bizarre. Du coup, on va appeler des gens hein, au hasard, comme promis. Des gens qui se seraient peut-être déjà filmés, en tout cas des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va pour le premier appel? Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Et puis on appellera le JAP juste après, le juge d'application des peines. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, je vous écoute. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Et ta mère a défilmé? Demande à ta mère et après tu me rappelles. Ça s'est fait. Ouais, ça s'est plié. On rappelle. Il faudrait qu'on appelle ta mère un jour pour aller jusqu'au bout du calcul. Oui, tant qu'à faire, c'est vrai. Bon, à ce soir-là, elle dort déjà depuis au moins une bonne heure. C'est vrai. Bon, attends, on rappelle. Allez, c'est parti. Et ta mère, là? Bon, la vie, on était dans le sud. Plus fort, le stagiaire. On l'entend mal à l'antenne. Oh, il gueule, là. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Ah, elle va enculer ta mère. J'ai pas le rapport, monsieur. Ouais, il t'encule tes morts, comme ça, tu seras tranquille. Je vois pas. Et déjà, on appelle le pasteur là, bicote tes morts. Allez, rentre chez toi. Mais oui, mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. Encule ta mère, vas-y, encule ta mère. Maman, je suis désolé. Mais c'est quoi le occulte tes morts? C'est une expression du sud, hein? Encule tes morts ou encule ton mort ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, je sais pas parce que j'entends ça plusieurs fois, mais je sais pas. Ça, ouais, d'accord. C'est souvent quand on appelle dans le sud. C'est bizarre, hein, c'est étonnant, c'est étonnant. Surtout autour de Marseille. C'est violent quand même. Ouais, ouais. Il y a Clovis qui dit une semaine que j'écoute folle et toujours pas de message de bienvenue. Un petit message, s'il te plaît, bien sûr. Ferme ta gueule, connard. Voilà. Il y a DJ Roms qui dit espèce de petit pédé de merde. Et Mille Filou qui dit je confirme, c'est des connards les mecs, mais pas tous, heureusement. Césaire aussi qui dit bah c'est tranquille, une milf. Ah bah ouais, mais là on est au-delà de la milf là quand même, hein. Émilie Fou également qui dit un énorme écart. Et GTR qui dit oh là là, il kiffe les milf. Mais ouais, c'est clair, c'est un truc de ouf. Baptiste, 47 balais quoi. Baptiste. Allô. Allô, Roger. Baptiste. Il y a des problèmes de réseau, hein. Oui, apparemment. Allô. Oui. Baptiste. Oui. Ah, très bien. Donc je disais 47 ans, c'est quand même scandaleux, hein, la différence d'âge. Bah ouais, mais surtout que ouais, mais surtout que là tu l'as trompé avec une autre. Elle a quel âge, la nouvelle? Bah 63. Non, la nouvelle elle est plus jeune que moi, elle a 17 ans. Ah ouais, tu fais vraiment le grand écart. Et alors c'est quoi, c'est mieux une petite jeunette ou c'est mieux une petite vieille? Enfin, j'ai tout le respect que j'ai pour... Non mais par rapport à son âge. Je préfère la plus vieille parce qu'elle est plus bonne en fait. Si on la voit, on lui donne pas son âge, quoi. Non, d'accord, ok, mais comme je t'ai dit, attention, parce que d'un jour à l'autre, tout change, tout peut changer. Ouais, hein. Non mais c'est vrai. Non. Est-ce que tu te balades avec une petite trousse de pharmacie? Mais au lit, elle a une expérience et tout. Elle m'a montré un truc que je connaissais pas, quoi. J'ai découvert avec elle. C'est bon, on a ta meuf sous contrôle là. Ouais, c'est bon, hein, on a l'électrocardiogramme, t'inquiète, elle va bien encore. Hein. Est-ce qu'elle est pas au courant qu'elle est cocu encore aussi, hein? En plus, ouais. Ouais, elle prévoit le défibrillateur, hein, quand tu lui dis. On peut l'appeler. Allez. Pour lui dire. Pour lui avouer? Ouais, bah ouais. Tu vas avouer à qui? Tu veux appeler quoi, ta maman? Non, je vais avec ma grand-mère. Ah, c'est elle, carrément. Bah oui, 47-19. 47-19. Non, grand-mère, n'abusons pas, mais en tout cas... C'est parce qu'en fait, je l'ai trompée, parce qu'elle m'a proposé un truc, et c'est pour ça que je l'ai trompée, en fait. Elle t'a quoi? Elle m'a proposé d'y aller dans un club échangiste, et donc ça m'a choqué un peu. Ah, parce que toi, fais t'intéresser, lui, prends son ticket, par contre. Bien sûr, club échangiste, pas de problème. Je savais pas quoi faire, en fait. Bah, écoute, elle voulait t'échanger, t'es peut-être trop jeune. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Bon, ça fait quand même maintenant 7 mois. Ah ouais? Ah ouais. Mais quoi, elle est mariée, elle, ou... Non, elle est pas mariée, elle a un enfant. Ah ouais, quel âge il a? 22 ans? Non, il a 24 ans. Bon, écoutez, ça arrive. Mais hein. il t'appelle beau papa? Mais elle est super fraîche, hein. Non, elle vient avec moi, mais voilà, quoi. Non, mais tu connais son fils, ton pote? Ah ouais, il m'appelle normal, Baptiste. Ah d'accord, non. Ok. Ça alors? Mais genre, moi j'aurais du mal à me. Il peut pas me dire papa, sachant que je suis plus jeune que lui, quoi. Bah, et alors, mais t'es son beau-père, mec, hein. C'est comme ça que tu le veuilles ou non, hein. Il te fait à manger et tout. Ouais, mais. Il te fait un 4h et tout. Bah non, mais non, tu lui fais un 4h, c'est ouais, son beau-fils. Il est plus jeune, lui. Oui, bah je sais, ouais. Et tu vas le chercher à la sortie de l'école ou pas? Oh, ça va. Il rentre quand il rentre tard. Ouais, il y a Cheyenne aussi qui va le chercher en boîte. S'il est. Il y a Cheyenne qui envoie un message qui dit s'il est con, volé, top serait chef d'escadrille. En fait, vous me donnez une solution, je voulais l'appeler et demander pardon parce que... Ah, tu veux l'appeler pour lui demander pardon, okay, d'accord. Oh. Bon, alors on va le faire, ne bouge pas. Là, il y a Cheyenne qui dit s'il est con, Voletov serait chef d'escadrille. Mes phrases sont tellement réelles. Bah oui, ça c'est vrai. Hein. Téléphone une troisième fois, s'il te plaît, au Jap. Et non, bah non, il y a eu la plainte, on va vous la remettre si vous voulez. Mais oui, moi et mon mari, nous sommes déjà filmés à plusieurs reprises. Comme cela, quand il part en déplacement, il se fait plaisir sur nos vidéos. Ah, cool. Oh, c'est mignon. Laisse ton numéro, on va t'appeler. Alors, en attendant, on va récupérer Elodie. Elodie. Oui. Oui, Elodie. Allez, fais péter la colle, puisqu'on donne la réponse dans moins de 20 minutes. Vas-y pour la colle, oui, pour gagner l'iPad Air. Vas-y, Elodie. Alors, nous sommes deux sœurs. Oui. Nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Alors, nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Il y a Daoud Douida qui proposait les couilles de Toff. Non. Parce que les couilles ne sont pas jumelles. C'est d'accord, ok. Il y a Jack qui dit aussi le soleil et la lune. Ça aurait pu, mais non. Ouais, mais ils sont pas jumeaux sur toi. La vie et la mort. Ça aurait pu aussi, mais non. Non, les yeux. Non plus. Des ovaires. Non plus. Des lunettes. Non plus. La mer et la terre. Non plus. L'eau et le vent. Toujours pas. Bon, je peux vous donner un indice, puisque c'est dans 20 minutes et qu'on a fait qu'une seule relance. Ça se passe au niveau du visage. J'en dis pas plus. Faut pas abuser non plus, après j'exagère. Bah, c'est déjà beaucoup, hein. Je trouve aussi, c'est vrai que j'ai déjà été très bon, c'est vrai. Donc vous envoyez MIKL espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On va donner la réponse dans moins de 20 minutes sur Fun Radio. Restez là, il y aura le son de Con Carousel dans quelques minutes sur Fun Radio. Là, bienvenue tout le monde. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à MIKL au 64 900. Sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. MIKL. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Je vous rappelle qu'on sera à Montpellier demain. On passe vous prendre au bahut. C'est sur l'esplanade du lycée Joffre. On sera là vers 16h30, 17h, blindé de cadeaux. On sera également au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez aussi. Ce sera samedi à partir de 16h. On ira au resto avec vous également après pour fêter notre victoire. Eh oui, tournée générale. On viendra, donc vous allez pouvoir venir bouffer avec nous hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et puis on fera l'émission en direct des studios de Fun Radio. Montpellier, ce sera place de la Comédie. Et c'est dimanche à partir de 20h. On vous met évidemment toutes les infos sur le Facebook. Et en parlant de Facebook, également la colle pour gagner le dernier iPad Air dans moins de 15 minutes. Nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement maintenant MIKL, espace la réponse au 64 900, ou sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel, en vous signalant également que c'est le dernier iPad Air et qu'on donne la réponse dans moins de 15 minutes et que la bonne réponse se situe au niveau du visage. Voilà, nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Je vous souhaite évidemment bonne chance. On se fait péter la réponse après le son de Clan Carousel maintenant. Sun and Tans sur Fun Radio. Le son de Clan Carousel à l'instant sur Fun, c'était Sun and Tans. Ah, on s'est mis bien là, on s'est mis plutôt pas mal. Pépère. Surtout que à suivre le son d'Eminem. Eminem avec. Plus jamais tu chantes. C'est clair. C'est horrible hein. Ah, c'est lent. Je vais l'emballer dehors, tu vas voir. Ah, j'aime bien faire un duo. Quelle horreur. Non, même pas en rêve. C'est interdit ça, c'est interdit. Eminem et Rihanna Monster, ça arrive. Je vous cale aussi Drake. Hold on, we're going on. Ah, c'est ça. Ah, ils vont finir par nous faire des petits là, deux là. Mais non, on a dit hein que ça donnait envie. Ouais, c'est on a ça. Pas dit à nous deux. Et puis la chanson de Polo, hein, The New World Sound avec The Flute. Avouez quand même que ça ressemble fortement au bipo de Polo. Hein, c'est grave. Attendez, non mais attendez, parce c'est que là on se rend pas compte, mais quand on entend vraiment le refrain, vous allez voir qu'il y a quand même un peu de plagiat, je trouve. Ah, attendez, ça arrive. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un auditeur qui... En fait, ils ont repris son pipo, ils l'ont mis en accéléré. Exact, c'est un auditeur qui nous a fait découvrir ça il y a deux semaines. Et c'est quand même du plagiat pur et simple. Alors écoutez, je trouve ça scandaleux personnellement. Ah ouais, grave. Allez, entre ça... Ah, attendez. Entre ça et ça... Ah ouais, c'est pareil. Je m'excuse, mais la ressemblance est quand même flagrante. Ah oui, c'est violent même. C'est un scandale. Moi, je trouve ça honteux. Ah ouais. Mais voilà. De toute façon, à ta place, j'appellerai un avocat dès demain. Mais j'ai mon avocat. Parfait. Il est là d'ailleurs. Ah, Maître Peters. Oui, du bonsoir que je suis là. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose Oui, bien sûr. Hein, il faut faire le poursuivre tout de suite. Hein. Il est flamand. Ah oui, il est flamand. Oui, oui, je viens du barreau de Antwerp. D'Anvers, d'accord, ouais. Oui, voilà. Très bien. Et pas le métro de chez toi, hein, le ville de chez moi. Oui, hein. Oui, ouais, on a compris. Mais dites, bon, très bien. Donc on peut gagner alors contre ça. Ah, oui, on peut toujours. Et alors j'ai une bonne nouvelle. J'ai deux affaires pour vous puisqu'on a porté plainte contre Toff. Il y a un juge d'application des peines qui a porté plainte contre lui. Oui, mais je comprends du pas. Celui qui applique, il y a déjà un jugement. Oui. Quoi? Il a été déjà jugé alors. Je comprends pas ce que vous me dites. Il a déjà passé le tribunal. Non. Je comprends pas. Comment ça vous comprenez pas? Vous me dites que c'est le juge de l'application avec la peine. Oui. Oui, non, mais je comprends pas quel est le problème. Que normalement il faut d'abord être jugé. Oui, non, mais d'accord, mais là il va porter plainte. Jugé.

Tous les soirs. Il me demande maintenant si mon homme, il est... Voilà, alors maintenant, il arrête... Au commissariat, déposer plainte, vous avez fait ? Ah, mais ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez, alors, je sais pas comment il fait, ce monsieur, mais il appelle sur le téléphone. Il est très fort, hein. Il lui pose ses questions, mais horribles. Et puis, attendez, j'ai rien dit. Et puis, de se faire... Radio, ça veut dire que je suis en direct ? Non. Non. Mais écoutez, vous voyez, il était au téléphone, ah, puis il m'a basculé sur vous. C'est incroyable. Comment ils font, hein? Quelle technologie! Passez-moi son téléphone. Le double appel est quelque chose d'exceptionnel. Alors, le numéro de téléphone qu'il donne, c'est le 01 40 48 50 00. Là, vous pouvez pas 42, voir d'où est arrivé l'appel? Bah non. Ah, mais le 01 40 48 50 00, oui, c'est le numéro donné hier, parce que moi, je l'ai questionné. Mais ce monsieur, il est particulier. Moi, j'ai c'est rappelé Colombo, ce matin, hein. Et ce numéro, ça correspond au siège général de EDF à Paris. Ah mais le numéro s'affiche pas quand vous recevez un appel ? Non, c'est un numéro inconnu. Ah. Mais il arrête pas ce guignol, il arrête pas, c'est énorme. J'ai appelé trois fois. Ben, il faut le... Mais j'ai porté plainte, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, moi ? Bah après, vous pouvez faire la liste rouge. Ah non, non, non, mais je vais pas prendre une liste rouge pour un portable, non, faut pas rêver, quoi, je veux dire, ça c'est du harcèlement. Bah, de toute façon, moi, bon, bah, va te faire foutre, alors. Si c'est vous avez pas, bon pas la possibilité de les retracer ? Bah non, non. Je peux retrouver l'adresse si j'ai le numéro, mais là, c'est en l'occurrence, si c'est EDF, c'est pas son numéro. Il a donné, là, vous avez quoi, je vais prendre, quoi. Attendez, je vais prendre de quoi noter, là, parce que là, j'ai porté plainte, donc je vais recommencer. De toute façon, on n'arrête pas, donc on va faire sans arrêt, hein. Comme si j'appelais toutes les semaines, c'est ça. On va recommencer. Par contre, j'ai beaucoup d'appels, madame, donc je vous laisse. Hein. Non, non, mais donnez-moi le numéro. Vous dites à quelle heure vous avez reçu les appels, ils vont demander une réquisition à l'opérateur c'est et ça, ils vont ressortir ça, les numéros. Très bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Bon ben, voilà, c'est bon. Oh merde. Ah oui, merde. Voilà. Donc c'était l'appel d'hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, quand on avait appelé notre ami le juge d'application des peines. Enfin, en fait, il n'a pas dit là qu'il était juge, mais il l'avait dit le jour avant qu'il était juge. Hein, c'est pour ça. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était exceptionnel. Il y a Stéphanie qui dit ce monsieur est particulier. Là. Ah oui, ben, c'est certain. Sarah qui dit ne le rappelle pas aujourd'hui, sinon les flics viendront te chercher directement au studio. Tof. Il y a Césaire qui dit Tof de Fun Radio TOF. Oui, c'est PH. Et Stéphanie qui dit il est super aimable, la dame, mais elle a un problème avec la sodomie, je crois. Oui, je crois également. Yaro aussi qui dit il arrête pas ce guignol, c'est dingue. Et Quentin qui dit enculé Tof, elle va pas être déçu. Et Daoud Douida qui dit Tof appelle le juge en te faisant passer pour l'avocat flamand de Tof. Ah pourquoi pas, demande de quoi il s'agit. Peut-être pas aujourd'hui, on va attendre d'abord de recevoir la lettre. Ouais. Mais alors Maître Peters, vu que vous avez entendu maintenant le dialogue, qu'est-ce que. Bah, moi je trouve que ça devrait être de nous de faire le plainte. Hein. Comment ? Je dis c'est nous de faire le plainte. Nous, c'est nous qui devons porter plainte. Oui. Parce que sous quel motif? Pour un insulte sur la voie publique, hein. Quoi? Elle insulte de nous, hein. Elle dit des choses que normalement tu dis pas. Ah bon? Ah oui, très bien. Bon, merci en tout cas. Vous avez été de très bons conseils, Maître Peters. Vous revenez quand vous voulez, hein. Comme dans le chaque fois. Oui, c'est ça. Allez, bonne soirée, hein, Maître Peters. Du bonsoir. Oui, au revoir. Katia aussi qui envoie un message qui dit salut, j'ai aussi testé les vidéos et ça ne m'a pas déplu. On ne se voit pas de la même façon. Ah, t'as remarqué aussi. C'est difficile de voir ses fesses, hein, en général, hein. C'est compliqué. On ne voit pas de la même façon de ce que l'on pense être. Je recommande, c'est une bonne expérience. Même si la première fois j'ai trouvé ça bizarre et que j'étais un petit peu surprise, mais avec un bon partenaire, si les deux longs, ça peut garder un bon souvenir et permettre aussi de lui laisser l'eau à la bouche par la suite pour qu'il en redemande. Lol, bisous à vous tous. Ça peut également lui laisser un bon plan si jamais tu lui fais un sale coup. C'est vrai aussi. Ah ouais, c'est pour ça que c'est mieux que les deux, la vidéo. Bah oui, oui et non, parce qu'au final, si lui il s'en branle et qu'il a envie de la diffuser, il la diffuse, quoi. Ouais. Voilà. Il y a Let's Be Flix qui dit vous avez pas la possibilité de les retracer. Bah non, allez, bim, et oui, forcément. Et Hugo Ray qui dit aussi j'adore l'avocat de merde, c'est trop drôle, il est trop con. Tu l'as bien cerné, je pense, c'est pas mal. Tu l'as bien décerné. Tu l'as bien cerné, pardon. On va également appeler un gagnant ou une gagnante là pour la colle. Alors allez, deux minutes encore, on se refait encore un dernier appel, Elodie. D'accord. Allez, une petite dernière là, vas-y répète la colle. Je laisse deux minutes et on fait l'appel. Alors, nous sommes deux sœurs. Nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous ? Voilà, je répète, donc nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous ? Alors, proposez les oreilles, c'est Gaëlle. Non. On proposait les lèvres. Non. La glotte. Non. Le nez. Non plus. Mickaël, c'est la bouche. Non plus. Ah, on aurait pu dire les lèvres, ouais, c'est vrai. Les narines. Non plus. Le cerveau. Non. Les sœurs. Non. Par le rapport avec le visage. Et les neurones. Non plus. Non plus. Bon, bah, et elle se fout de la gueule de tout le monde. Je pense que vous avez remarqué, comme ça, à chaque fois, elle rigole. Elle est bien. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, donc, il vous reste bah, moins d'une minute, moins de deux minutes maintenant. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez nous rejoindre également, hein, si vous voulez, sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M-I-K-L officiel. On donne la réponse à minuit 5. Voilà, il est minuit 3 et 45 secondes. Ça laisse 1 minute 15 pour vous inscrire. Bonne chance, tout le monde. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Et tu restes avec nous, Elodie. On te reprend dans quelques secondes, justement. Parfait. On a également bah, Baptiste. On va essayer de rappeler. On va appeler ta copine alors maintenant, hein, qui a 47 ouais, ans, bah ouais. Que tu as trompé. Allègrement. Ouais. Exactement, ouais. Que tu as trompé et donc tu veux l'appeler pour recoller les morceaux. C'est bien ça? Ouais. Le problème maintenant, c'est ton fils qui veut pas que j'entende avec sa mère, quoi. Oui, bah c'est une bonne excuse. Hein, tu m'étonnes. C'est-à-dire que le fils, il a 24 ans, t'en as 18, 9. 19. Des amants. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes qu'il ait pas envie que tu reprennes avec sa rhum, c'est normal. Mais je fais un peu plus que mon âge. Non, mais enfin, peu importe, même s'il fait un peu moins que toi, tu fais un peu plus, il reste comme un fossé entre 19 et 47 ans, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que quand t'es née, elle avait déjà 28 balais. Moi, personnellement, je préfère me mettre avec elle qu'avec une autre. Hein. Non, bah bien sûr, mais j'imagine bien. C'est mais... normal, c'est, t'as quand même une certaine sécurité financière. Mais, est-ce au lit, que... au lit, ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, ça, c'est très bien. Mais. Est-ce que tu te projettes? Ouais, je me vois bien avec elle. Ouais, je me vois bien hériter de la maison, la voiture. Non, mais parce que, dans 10 ans, t'auras même pas 30 ans et elle en aura presque 60. Ouais, ouais mais après, du coup, ils vont faire des films. Après, ils peuvent toujours se branler dessus dans 10 ans. Plus, je la jette. Oh, bah d'accord, ok, grande classe. Oh, bah il est au top. Bon, bah on l'appelle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Emily. Emily, bah écoute, bouge pas, on file l'iPad Air, on l'appelle juste après. On file l'iPad Air avec Elodie, j'avais dit minuit 5. Il est minuit 5 pour une fois que je suis à l'heure. Profitons-en et soulignons-le. On appelle le gagnant ou la gagnante, Elodie. Si la personne qu'on appelle maintenant a la réponse à la colle que tu as posée, eh ben, il ou elle gagne. Si ça ne décroche pas ou que la personne n'a pas la réponse, c'est toi qui gagne l'iPad Air, Emily, d'accord? Oui, bah, Elodie, attention. Oui, bah, c'est parce qu'il y a Emily qu'on va appeler. Alors, je t'ai perturbé, moi. Bon, on y va, Elodie, t'es prête? On croise les doigts. Allez, c'est parti. Bon, moi perso, ça changerait, hein, mais. Allez, c'est parti, on appelle. Parfait. Allez. Allô? Allô? Ouais. Salut, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio? Ça va? Yes, ça tranquille, va bien. Comment tu t'appelles? Anthony. Anthony, bienvenue, Anthony. Bon, Anthony, il y a Elodie qui a une colle à te poser, là. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors. Nous sommes deux sœurs, nous sommes fragiles, mais à nous deux, nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Les paupières. C'est ça. Hey yes. Eh ben bravo Anthony. Merci. C'est Anthony, hein? Ouais, c'est ça. Très bien. Eh ben voilà Anthony, l'iPad Air est pour toi. Félicitations. Yes, merci beaucoup. Bah, bravo Anthony. Tu peux remercier Elodie parce que ça fait une heure qu'elle poirote, elle est finalement peanuts quoi. Ouais. C'est quand même dommage. Bon bah bravo en tout cas Anthony, l'iPad Air est pour toi, c'est le dernier en plus. Et puis dès la semaine prochaine, dès dimanche, on aura d'autres cadeaux à vous offrir. Dimanche, je vous remets 500€ pour 500€ tout simplement. Si vous voulez acheter du high-tech, si vous voulez acheter du maquillage, si vous voulez acheter des fringues, des chaussures, les filles, j'en sais rien, n'importe quoi. Et bien vous allez pouvoir le faire sans problème. Dimanche soir, je vous file de nouveau 500 boules. Et puis on aura des PS4 également à vous offrir toute la semaine prochaine. Voilà. Bah bravo en tout cas pour l'iPad Air Anthony. Tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va te filer ça rapidos, d'accord? Ça marche, merci. Salut, à bientôt. Yes. Allez, ciao Anthony. Et puis Elodie, bah désolé hein. Bah je peux faire une petite dédicace quand même. Allez, vas-y, à une seule hein. Alors une dédicace à Jessica L et ses potes qui m'écoutent. D'accord, très bien. Eh ben écoute, pas de problème, le message est passé, y a pas de souci. Salut Elodie. Salut. À bientôt Elodie, ciao. On va faire d'autres appels aussi avec Tov dans quelques minutes. Et puis on va continuer, bah oui une seconde. Et puis on va également continuer à lire tous vos messages hein, qui arrivent. Il y a Let's Be Freaks qui dit j'ai jamais fait de vidéo, mais avec Tov on peut faire ça. Dédé qui dit Maître Peter c'est le barreau, une longue histoire d'amour. Moi et ma femme on s'est déjà filmé mais on garde les vidéos pour nous. Ça donne un truc excitant et ma femme kiffe grave se faire filmer. Bah pourquoi pas. Après si vous avez confiance et que vous êtes sûr que l'autre ne mettra jamais de vidéo, why not? Ah, mais bon, faites pas ça au tout début, quoi. Parce que c'est jamais safe. Et Magdalena qui dit, nouvelle personne qui écoute Mickaël No Limites ce soir, c'est ma cousine et Mélanie. Bah, salut Mélanie, gros bisous. Je te mets un petit message de bienvenue. Tiens, attends, je t'en choisir un bon, là. Attends, faut que j'en ai un bon, là. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Et toi, t'es enculé, ben. Voilà. T'es bien, t'es classe, tranquille, hein. pas, tranquille. Petit enculé. Oui, mais il était plus gentil celui-là. Et Alan qui dit, je me suis déjà filmé en train de faire l'amour, j'avoue, c'est à faire, mais surtout à garder, c'est pas pareil, c'est très marrant et hard. Et Léa qui dit, nous sommes déjà filmés avec mon mari, comme ça, quand il part en déplacement, un mois, il se fait plaisir sur nos vidéos. Oui, c'est alors, mignon. S'il allait sur YouPorn, hein, bah oui, c'est vachement plus pratique, finalement. Tu vois, bah, au moins, c'est, il peut changer de film, quoi. Mais bien sûr. Retour avec Samy, là, dans un instant, qui pense que sa copine l'a trompé avec son meilleur pote. Baptiste et Adrien qui voulaient réagir. Adrien et Thomas, pardon, qui voulaient réagir. Ça va, Adrien ? Salut, les gars. Comment ça va dans l'Ariège ? Ça va, et vous ? Bah, écoute, on va plutôt pas mal, hein, tranquillement. Et Thomas, de Seine-et-Marne. Salut, Thomas. Salut, les gars. Ça va ? Ça va, et vous ? Bah oui, tranquille. Bon, Thomas, tu voulais aussi réagir par rapport à Samy, toi, au niveau de son pote qui a trompé, enfin, qui l'a trompé avec sa meuf ? Ouais, bah, bon, enfin, moi, alors attends, vas-y, Thomas, vas-y. Thomas, bouge pas. On va d'abord terminer avec Baptiste. Comme promis, on va appeler sa meuf qui a donc 47 ans, lui 19. Il l'a trompé avec une meuf qui en avait 17. Le grand écart. Oui. C'est ça ? Non, mais il aime bien varier les plaisirs, il a ouais, raison. Mais oui, mais bien sûr, évidemment. Il faut taper une fois dans la vieille, une fois dans la jeune. Merci, Toff, c'est tellement bah, classe. Que... Oui. Tu dis ? Allô ? Oui, on t'écoute. Si t'as jamais goûté à une meuf de, qui a plus de... Ah non, mais moi, j'ai du mal, en fait, à... C'est un peu comme tu vas dans le frigo, tu vois un yaourt qui est périmé, bah j'ai pas envie de le manger. Non, mais tu vois, c'est normal. Même s'il y en a qui disent, ah oui, mais tu peux manger même des années après, oui, c'est pas grave. Des années après, peut-être deux pas semaines, c'est non, dur, des jours après, pardon. Ah, mais tu vois, j'ai toujours. Peut-être que c'est moi qui suis complètement con, hein, c'est possible aussi. Mais j'ai toujours. Que je te parle, moi, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Elle est bien formée. Ah non, bah, j'en doute pas une seconde. il paraît que 35-40 ans, c'est la meilleure période hein, pour les. Non, mais là, on est à 47 déjà quand même. Hein. Oui, non, enfin, elle est là, elle tire un peu la longue période. Ils ont de l'expérience aussi. Oui, bah oui, bien sûr, il y a de l'expérience. Elles ont de l'expérience. Et puis l'avantage, c'est qu'elle sait ce qu'elle aime. Ouais aussi, ouais. Bon, on l'appelle après enfin, le son d'Eminem. Non, on va d'abord l'appeler maintenant, sinon on va galérer après. Bon, on y va, tu l'appelles, je lui parle ou tu lui parles ? Bah, tu lui parles, parce que je sais pas si elle veut... Ah, bon, bah, je sais pas ce que je vais dire, moi. Bon, on verra bien. Si déjà elle décroche. Allô, Émilie ? J'appelle ta part à ton fils. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à Émilie ? Si. Comment ? Qui c'est ? Mickaël, pourquoi ? Mickaël ? Oui. Qui c'est Mickaël ? Bah, comment ça, je comprends pas. Bah, moi non plus, je comprends pas. Bah, mais alors. Vous êtes qui ? Bah, je m'appelle Mickaël. Mais Mickaël, comment ? Bah, mais pourquoi ? Qui êtes-vous ? Je suis le fils d'Émilie. Ah, très bien, bah, enchanté. Bon, alors, est-ce que je peux parler à ta maman ? Pour quelle raison ? Mais vous êtes qui ? Mais je m'appelle Mickaël, je voudrais lui parler, elle m'a donné le numéro. Ah non, je suis désolé. Hein. Comment ça, non ? Non, non, c'est une blague de l'autre connard, ça, non ? Quoi ? Quel connard ? C'est une blague de l'autre connard, ça, non ? Mais quel connard ? Non, mais c'est qui, là, pareil, là ? Mais je m'appelle Mickaël, mais de qui vous me parlez, là ? Je comprends pas pourquoi vous dites connard, etc., je comprends pas. Mickaël, comment ? Bah, Mickaël, enfin, vous n'allez pas savoir mon nom de famille, est-ce que je vous demande le vôtre, moi, non ? Ne quittez pas, bah, je ne quitte pas, non. Bon, bah, dis donc, 24 ans, je vais mettre deux claques, celui-là, tu vas voir. Nous vous mettons en relation avec la police. Ouais. On a l'habitude, hein. Deuxième plainte. Attends. Parce que s'il me passe sa mère et qu'il m'a fait ce cinéma pour rien. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Mickaël ? Oui. Ma mère vous connaît pas, hein ? Oui, mais alors j'ai pas dit que je la connaissais, j'ai dit que je voulais lui parler. Mais pourquoi ? Mais quoi, vous êtes quoi ? Vous êtes le standard téléphonique ou je comprends pas ? Je protège ma maman, tout simplement. Ah d'accord, ok, très bien. Vous voyez un problème à ça ? Non, pas du tout. Je voulais simplement lui parler, mais bon, je savais pas qu'il fallait que je lui fasse un recommandé. Maintenant, si vous voulez me dire qui vous êtes... Je m'appelle Mickaël. Et c'est une heure pour appeler à cette heure-ci ? Bah ouais, enfin, il n'y a pas vraiment d'heure. Il n'y a pas vraiment d'heure. Non, bah là, vous avez décroché, donc vous dormiez pas. Chez vous, vous n'avez pas d'heure. Si, moi j'ai une horloge, oui. Ah, si je vous appelais chez vous à 3h du matin, ça vous ferait rien. Bah, je décrocherai, au pire, je vous raccroche au nez, ou au pire, je vous dis qu'il est tard et vous me rappelez demain, mais comme là, vous me parlez et que vous m'avez réveillé... Autant qu'à faire, autant discuter. Donc je crois que c'est ce que je vais faire, je vais vous raccrocher au nez alors. Oh, ce serait mal poli. Bah je sais pas, mais vous êtes qui ? Non, sérieusement, c'est quoi ? C'est une blague ? C'est quoi ? Mais c'est... pas du tout, je voulais simplement parler à votre maman. Mais ma maman, je vous connais pas. Non, mais ça j'ai elle compris. Donc, vous parler, non, mais, ça veut dire que si le fils que vous appelle, il connaîtra pas votre maman, vous allez pas en lui fait, passer. Non, en fait, je vous explique, ma maman n'est pas toute seule. Et oui. Je veux pas aller la déranger, j'ai le téléphone avec moi ici, j'ai décroché à sa place. Non mais d'accord, mais bon là pour le coup vous avez quand même été la déranger puisque vous lui avez été lui demander si elle me connaissait, donc tant qu'à faire. Mais elle veut pas vous prendre. Vous êtes sûr ? Bah si je vous le dis. Elle n'a pas oublié de mentir ? Ce qui me semble, hein, vous lui avez pas posé la question. Vous lui avez demandé simplement si elle me connaissait. La réponse a été non. Voilà. Mais vous lui avez demandé si elle voulait me prendre ? Bah écoutez, je vais lui demander. Ah parfait, je vous remercie. Ne quittez pas. Merci beaucoup. Sale gamin. Non mais. Non mais c'est cool. Qu'est-ce qu'il est relou quand même. Mais non, il protège sa mère. Non mais c'est bon, ça va. Il marquait confiance sur mon front là. Tof, imagine on fait ça à ta mère. C'est pas comme si c'était moi qui appelais. Oui, mais ma mère, elle se tape pas des gamins. Bah vas-y Tof, tu prends le relais. Tof, tu prends le relais. Oui, allô. Oui, il est un peu tard. Hein. Oui, c'est vrai, il est un peu tard, mais bon, maintenant qu'on est là, que tout le monde est réveillé, on peut peut-être discuter. Bah, je vous écoute, vous vouliez quoi? Je pourrais lui laisser le message, si vous voulez. Bah, en fait, je voulais savoir s'il avait déjà tourné des... Si elle s'était déjà filmée, en fait. Pardon? Non, si... Je voulais savoir si elle s'était déjà filmée en train de faire l'amour. Tu te fous de ma gueule, là? Non, pas du tout. T'es qui, espèce de petit enculé, va? Moi, c'est Tof. Pardon? Moi, c'est... Moi c'est Tof. Je vais t'enculer, c'est qui ça Tof? Tof d'où? Bah... Tu sais moi c'est qui moi? Moi c'est Touf. Toi c'est Tof, moi c'est Touf. Espèce d'enculé, va, t'es qui toi? Bah moi c'est Tof monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi à cette heure-ci à minuit? Enculé, bâtard. Bah je voulais juste savoir... Fils de pute. Je voulais juste savoir si votre maman s'était déjà filmée en train de faire l'amour, c'est tout. Ta mère c'est une pute? Je crois pas non. Hein? Je dis non, je crois pas. Je la connais. Non, ta mère, moi aussi. Non, je pense pas. Si, si, je la connais, ta mère. Bon, vous êtes pas le premier à me le dire, mais j'ai des doutes, quand même. Petit enculé. Fils de pute, vas-y. Tu sais avec qui tu parles, là? T'emmerdes, moi, enculé, va. Bah, avec le fils d'Emilie. Espèce de fils de pute, tu fais... Quoi, je vais savoir c'est qui, de toute façon, je vais savoir c'est qui. T'appelles en cachet? Hein? Oui. T'es pas un homme, hein? Vous êtes même un dégueulasse. En plus, t'es pas tout seul, fils de pute, on dirait. Vous êtes même un dégueulasse. Hein, vous voulez mon... T'es avec du monde, hein. Vous voulez mon numéro? Ouais, je veux bien, ouais. Alors 01. Ouais. 42. 42. 48. 48. 50. Foutez de ma gueule, hein. Bah non. Pourquoi je me foutrais de votre gueule? Non, un peu de sérieux. On va reprendre les choses au sérieux. Oui, donc 01. D'accord. Tu m'as insulté depuis tout à l'heure, là? Pas du tout. Bah si, t'es en train de m'insulter d'enculé. Moi? Tu cherches ma mère à minuit. Elle te connaît pas, elle veut pas te prendre, et en plus tu m'insultes, enculé. Moi je me serais pas permis, c'est vous qui m'insultez, monsieur. Ah moi, bon? Moi je vous ai juste demandé si elle s'était déjà filmée en train de faire l'amour. Tu fais le mec poli, mais t'es un gitan toi, je te reconnais. Vous voyez que c'est vous qui êtes désagréable, monsieur. T'es gitan toi, je te connais toi. Non, on se connaît pas. C'est toi qui as la Mercedes, la grosse Mercedes là. Ah non, moi j'ai une Autolib, monsieur. Une quoi? Une Autolib, une Blue Car. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est une voiture à Paris, un truc. Bon, vas-y, on va arrêter de parler, là. Bah, on va arrêter, on va se souhaiter une bonne soirée, quand même. Va te faire enculer, fils de pute. Ah, vous voyez que c'est vous qui êtes vulgaire. Va niquer ta mère. Ta mère, je la baise. D'accord, allez. Bonne soirée, monsieur, pute. Au revoir. Culé de ta mère. Là. Ah, bah, il est bien, ton beau-père, dis donc, Baptiste. Hey, c'est son beau-fils. Le beau-fils, ouais. Ah, il y a pas de problème, mais moi... Mais moi je voulais parler avec lui pour qu'il se calme quoi. Ah oui mais comment te dire que c'est-à-dire qu'avec moi déjà il était vénère et quand il a dit non, ouais mais... c'est l'autre enculé là encore là. Hein Baptiste non, l'autre enculé. C'est toi l'enculé Baptiste. Ouais hein. C'est toi l'enculé. Ouais, hein. Michael, je sais pas si tu m'as entendu mais je voulais te demander si tu pouvais me mettre en relation avec lui, que je lui parle, qu'il se calme. Ah non j'ai pas entendu non. Bah, j'ai pas entendu, non. Bah, on le rappelle. Bah, on le rappeler, lui dire qu'on est sa fin radio et que je lui demande pardon. Non, mais fais-le. Bon, non, écoute, là, alors vénère, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça, mais pas aujourd'hui, parce que là, on l'a tellement vénère que ça va pas aller. Mais par contre, on peut éventuellement l'appeler dimanche ou lundi, quand c'est retombé un peu, tu vois. Non, mais il va se calmer, dit qu'il va entendre. Ouais, mais justement, mais je crois pas, parce qu'il t'a quand même traité d'enculé alors qu'il a même pas entendu. Hein, donc, je pense qu'il vaut mieux. Si. De toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Si, on l'appellera dimanche. Bon, bah oui, c'est mieux. De toute façon, de toute façon, c'est Michael le chef. Tu dis voilà. Et de toute façon, je sais que si on l'appelle maintenant, ça va être le bordel. Ouais. Je te le dis. Moi, je dis ça, c'est pour te rendre service. Parce qu'en fait, je sais qu'il avait un problème. À mon avis, il parlait pas de moi, qu'il a des costes. Oui, ben je sais bien. Mais de toute façon, on n'est plus à ça près. Hein, t'inquiète pas. Hein, je sais Michael. Que les gens sont comptés avec elle, mais quand même. Michael est un grand professionnel. Ne t'inquiète il connaît pas. Ça par cœur. Fais-nous confiance. Ne t'inquiète pas, je gère. Baptiste, ne bouge pas. Je te renvoie Chandro. Chandro Stendhal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Brasil, problème. Hein. Et puis on va l'écouter, les Eminem et Rihanna de Monster maintenant sur Fun. Allez, hop, c'est parti. Fun Radio. C'est Fun Radio avec le son d'Eminem à l'instant et Rihanna, c'était de Monster. Je vous cale aussi dans quelques minutes le son de Drake. Oh, on va être bien. Ça me donne envie d'aimer. Ah ouais, mais bon, le problème c'est qu'il faut, il faut deux personnes pour ça. Bah, je vais appeler Stéphane. Ah, tu peux, ouais. Non, mais c'est vrai, tu peux essayer. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, je vous cale ça dans quelques minutes sur Fun Radio, le son de Drake avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Et puis vous le savez, le jeudi, eh bien, on fait les canulars, comme d'habitude, hein, tous les jeudis d'ailleurs. Si vous voulez en faire un aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas. Il est casque focal qu'on vous offre ce soir, d'autres cadeaux la semaine prochaine. Mais vous pouvez appeler maintenant le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Avant de faire le canular avec Aurélien dans quelques minutes, il y a un message qui dit comment on fait pour poser la colle. Il faut faire un mail à Sandro, sandro@funradio.fr. Joël qui dit j'adore moi s'étouffe. Store aussi qui store en Randa qui dit toi s'étoffe et moi s'étouffe, mort de rire. Daoud Ouida qui dit demain dans le journal règlement de compte entre un jeune et un groupe de gitans Mercedes. Ouais, il y a Quentin et Quentin dit qu'il est en autolib, c'est réel, hein, il dit pas ça pour la vanne. Il y a Quentin qui dit ta mère c'est une pute, non je crois pas, énorme tof. Il y a Ro Diamond qui dit pourquoi les gens disent tout le temps ta mère c'est une pute ou va te faire enculer, ça fait mal, c'est ouf, c'est vrai ça. Hein. DJ Roms qui dit tof et touffe ce soir. Il y a Hugo Réo qui dit ah j'adore la blague, tof la tof, non touffe la tof, ah, ah, ah, le petit enculé. Et Benoît qui dit il a un très bon fils, mort de rire la mère, effectivement, et toujours en top tweet en tout cas, merci beaucoup. Tous les messages que vous envoyez avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Stéphanini qui dit je protège ma maman. Oh so sweet. Ouais. Oui bah c'est vrai, en plus c'est bien. Et Elodie qui dit salut Mickaël, ça fait longtemps, ça fait pas longtemps que tu déchires, je peux avoir un message de bienvenue. Bien sûr Elodie, avec plaisir. Petit enculé. Voilà, bienvenue Elodie. Et Tini aussi qui dit quoi putain j'ai gagné. J'y crois pas, j'étais trop stressé à l'antenne. Horrible, merci. Ah c'est Anthony qui vient de gagner l'iPad Air. Bah écoute, pas de problème, bravo à toi en tout cas, bravo. On va se faire maintenant le canular avant de récupérer, ça traîne, hein. Samy, Baptiste, Adrien, on aura également Thomas, Valentin également qui vont débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis bah là on va accueillir, c'est Aurélien qui voulait faire le canular là. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Ça va nickel et vous? Bah écoute, plutôt tranquille, hein, plutôt bien, hein, plutôt à la bien, à la bien, à la bien. À la bien, à la bien. Eh ouais, va, comme je vois que tu appelles de Marseille. Eh ouais, ma foi, eh bah qu'est-ce que tu veux, ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit canular avec toi, hein, puisque c'est la soirée. Mais on fait quoi exactement? Tu veux qu'on appelle qui? Tu veux qu'on fasse chez qui? C'est mon cousin, là, de Marseille, dans les stacks, dans le 16ème. En fait, on est des 1h, tu vois. Ouais. En fait, ça fait depuis, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à ses messages, en fait, tu vois. Et, pourquoi? Bah parce que j'avais envie, c'est tout, parce que j'arrêtais pas de lui mettre des faux plans. Ouais. En fait, j'aimerais lui faire croire que je suis supporter parisien, en fait. Oh là là. Tu vas lui faire croire que t'es supporter parisien? T'es complètement fou dans ta tête. Ouais. Il est fada. Complètement fada. Oh, dis-moi, tu es complètement fada. Eh, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je tombais sur un classement là qui vient de sortir, celui des supporters les plus infidèles. Et donc, que ce soit en rugby ou en foot, c'est toujours les mêmes qui vont voir ailleurs. Hein, et les plus infidèles sont les... C'est pas un parisien. Eh oui. Non, oui, les paris. Eh oui. C'est normal, c'est des foutus. Le PSG avec 4,28 aventures par an. Ah oui, quand même. C'est normal, mais ça c'est une statistique ça. Bon, du coup on va appeler ton pote maintenant, tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien. Non, c'est mon pote, ton cousin. Ah ouais. Parce que d'habitude on fait ça avec des potes, c'est pour ça. Bon, donc voilà. Du coup on va l'appeler, tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien depuis combien de temps? Ouais, tu fais quoi maintenant? Deux ans, c'est deux bon, ans. Bon, c'est toi qui vas dire, hein. Moi voilà. Après je serai derrière pour foutre la merde. Moi je serai Michel, supporter de Paris, etc. Marseille en tant que... Voilà. Et surtout, Zlatan Ibrahimovic, tu le kiffes, hein. Ouais, bah, évidemment. Ibrahimovic. Tu veux faire un tatouage d'Ibrahimovic? Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, t'inquiète. Parfait. Dans les couilles, bon, allez, c'est parti, on y va. Au plus, il s'énerve, au plus, évidemment, t'as de chance de repartir avec tes cadeaux. Il va monter en pression, lui. En plus, il y a les casques focales, en plus, qu'au fil, ça vaut 200 euros, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on y va. On appelle, il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Anthony, lui. Ok, très bien. Très bien, donc tu dis... Bon, tu dis qu'on est chez moi à la maison et t'inquiète, voilà. T'inquiète, je veux savoir quoi dire. Très bien, parfait. T'inquiète. Bon, t'inquiète. Alors, on y va, on va l'appeler, c'est parti. Et sois bon. Allô? Oh, cool. Ouais. Bien ou quoi?

Oh, Aurélien, oh, t'es, tu me fais une blague là. Non, non, c'est pas une blague. Oh, ne vous énervez pas, c'est quoi, Vati? Ferme quoi, ta gueule, ferme ta gueule. Attends, tu sais quoi? C'est qui tes collègues? C'est qui tes collègues? On les encule. Ok, attendez, c'est qui tes collègues? On les encule. Il est mais laisse-moi parler. Ils nous entendent pas, mais ce qui est bien, c'est qu'on a rien à faire. À part gueuler par derrière. C'est deux secondes. Écoute, t'es pas deux ans, qui est s'acquitté à la place. J'avais jamais maniqué en premier. Je crois que c'était mes petits soleils. En fait, c'est des collègues qui vont niquer tout leur monde. C'est Paris, toi. Oh, t'encules! Les collègues, tu pars, c'est bon. C'est qui la côte de Taras? Tu viens au vélodrome depuis 6 minutes, tu me dis maintenant t'es pour Paris. Tu es où, toi? Mais t'es fou! On est à Paris, on est dans le stade! On est à Paris! Par Paris, c'est du monde. Non, non, tu me fais une blague, Aurélien, tu me fais une blague. Non, je te fais pas de blagues, René, je te fais pas de blagues, il me fait des blagues, non, je te fais pas de blagues, non. Ah, me dis, me dis pas que je vais séquestrer mon propre frère, tu me fais une blague, là. Aurélien, c'est qui que t'as au téléphone? Je séquestre rien du tout, vas-y, je te les passe, les collègues, je te les passe. Aurélien! Ouais, c'est qui, là, c'est qui au téléphone? Vas-y, je te passe, c'est mon frère, je te le passe. Ah, tu es qui, toi, gros PD, avec ta voix de salope, tu es qui? Mais non, je suis Michel. Je suis parisien, moi. Mais qui c'est, Michel? Oh, t'es parisien, moi. C'est quoi ton accent de PD? T'as vu le tien? Attends, je vais essayer de l'imiter. Eh, dis donc, cousin, ça va ou quoi? Comme mon équipe de merde, on n'arrête pas de sur perdre. La tête de ma mère. Bon, eh, dis donc. Dis-moi, écoute, on a discuté avec ton frère. Je te parle même pas. Non, non, moi, je te parle. Pas, on écoute quand un parisien t'appelle. Eh, quand un parisien appelle, tu te tais. T'as vu, t'as bien compris. Mais qu'est-ce qu'il veut, c'est la bite, gros pédé. Arrête ton cinéma. Bon, si tu veux, tu mais peux devenir... Mais c'est la bite, hein, je te dis. C'est viens la bite. Avec nous, viens avec nous. T'as l'air cool, viens avec nous. Ouais. Moi, je t'offre le maillot du PSG. Aurélien, il a déjà fait le tatouage avec Ibrahimovic. Alors maintenant, il veut qu'il mette... On veut qu'il mette PSG forever. Mais oh là là, passe-moi mon frère là contre ta mère, passe-moi mon frère. Eh, tu me respectes un peu là. Ferme ta gueule là, passe-moi mon frère, Paris, je te dis Paris. À cause de ta race. Eh, dis Paris, Paris. Paris. De merde. Mais non, arrête. Je vous crache dessus, hein. Venez chez nous, vous encule, bande de PD, à venir en vacances chez nous, à nous sucer la bite. Mais on vient pas en vacances là-bas, vous t'es bandez fou, sur toi. Marseille, bande de gros PD. Oh, les Paris, Paris est magique. Aurélien. Oh, Aurélien. Oui. Oh, dis-moi, non, vas-y. Rassure-moi, c'est une blague, franchement. Oh, franchement, rassure-moi, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Tu me connais, j'ai jamais fait de blague dans ma vie, moi. Eh? Ok? Non, c'est pas une blague. Ça, je sais que j'ai pas fait. Mais dis-moi que c'est une blague, oh, sérieux. Non, c'est une blague. Comment ça, c'est bon, j'ai pas mis toute une semaine, là, comme écoute, j'ai pas une seule nouvelle de toi. Paris, c'est le futur, Paris. Ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de toi là, tu m'appelles, tu me dis tiens Paris, tu avais des mecs, Zama, tu les connais même pas. Petit enculé. Qu'est-ce qu'il y a? Petit enculé. Qui c'est qui a dit petit enculé? Petit enculé. C'est pas. Ferme ta gueule, fils de pute. Quoi? Ferme ta gueule, fils de pute. Oh la conne de ta mère, dis pas fils de pute, la conne de ta mère. Oh viens sur Marseille, je te baisse ta race. Fils de putain de ta grand-mère, va. Commence pas à dire fils de pute parce que je vais t'enculer toi et toute ta famille, la putain de ta race. Je te brûle la conne de ta mère. Je te brûle la conne de ta mère. C'est bon, je vais raccrocher pour appeler nouvelle de moi. C'est bon, ton stade de PD. Oh mais non, faut pas le prendre comme ça. Aurélien. Oui. Dis-lui. Ah merde, il s'est barré. Mais non, mais Aurélien, il s'est la violence. Mais c'est vrai. En plus, je me suis gouré de ligne. C'est pas celui-là que je voulais mettre. Je savais qu'il avait dégommé directement, moi je voulais mettre ça directement, moi je voulais mettre celui-là. T'as quand même fait péter les plombs là, va toi, Voilà, tu vois, c'était mais... Bon, attends, on le rappelle, mais t'as vu dans quel état il est là? Ferme ta gueule, gros bâtard, tu lui dis, t'as vu dans quel état il est là? Ah ouais, mais lui il est nordiste. Attends, faut que je prenne la nordiste. Alors, attendez, Attends, c'est bon, je l'ai le gros bâtard, attends, il est là. Parfait. Va te faire enculer, gros bâtard. Très bien. Ah ouais, bon, on le rappelle, Aurélien, on le rappelle, mais on traîne pas à lui dire, hein, parce qu'il va nous faire une, il va nous faire l'infarctus, le malheureux. Il est capable de tuer quelqu'un par erreur. Il me recherche, mais sans déconner, il a fait la merde, ma mère. On le rappelle. Oh, allô, enculer, gros bâtard. Oh, Aurélien, c'est Aurélien, écoute-moi bien. C'est toi qui as dit gros pas, voilà. Ouais, c'est moi. Va te faire enculer, gros bâtard. Oh, je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Mais non, c'est bon, distrait. Je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Bon, le cousin, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Le cousin. Après, chez moi, là, tu es parti. Anthony. Anthony. Christian, mon cousin. Anthony, c'était une blague. Anthony, c'était une blague, t'étais sur Fun Radio. Anthony. Ouais. Sur la radio, cousin. C'était sur la radio, c'est Fun Radio, on t'a fait une vanne. Il est pas pour Paris. Oh là là. Les enculés. Eh oui, tu l'avais pas reconnu le son. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Kilou. Je l'ai mis, mais il entend pas. Je te sucerai le sang et tout. Tu... Mais voilà. Paris. Bon, dis Anthony. Anthony. Ouais, c'est bon, vas-y. Bon. Attends. Franchement, faut que je m'allume une blonde parce que je m'en suis pas une fille, tu vois. Là, il est pas bien, là. Ah non, là, il est pas bien. Bah, t'imagines, un peu, t'as le cousin, là, qui retourne sa veste. Oh là là, la honte. Bon, bah, très bien. Bon, et Aurélien, on file le cadeau à ton cousin ou pas? Ouais, bah ouais, il mérite. Hein. Et là, à mon avis, c'est mon frère, alors, ça veut dire. Ah merde, bah écoute, on va s'arranger, là. Celui là-bas, c'est bon. Bon, celui là-bas, c'est pareil. Anthony. Ouais. Bon, on va te filer un an d'abonnement au Paris Saint-Germain. Franchement, ça vous pouvez vous le mettre. Hein. C'était un cadeau de bon cœur. Voilà, exactement. Voilà, de bon cœur. Ouais, exactement. Ça, ouais. Non, mais je plaisante. Bon, Anthony, on va te filer un casque. Tu as les casques à 200€ là. Avec, tu peux décrocher le téléphone, tout le bordel. Les casques focal. On va te filer ça maintenant, Anthony. Tu restes au standard. Je te repasse Sandro. Franchement, wow, merci. De rien. Allez, Anthony. Je vous le dis quand même, allez l'OM. J'allais le dire, allez l'OM. Bah, allez l'OM. Bon, allez, salut les gars. Ciao. Merci, ciao. On est Paris. On a eu de la chance. On a eu de la chance qu'il se soit tellement énervé qu'il ait omis de parler de la défaite d'hier. Parce qu'il avait quand même un festival, un tunnel possible, un pont, enfin tout ce que tu veux. Il était obsédé par vouloir nous enculer quand même. Oui, mais aussi, je sais pas combien de fois, si quelqu'un a été assez con pour le noter, mais le nombre de fois où sur cette antenne depuis 23h il y a eu le mot enculé qui est passé. C'est un peu notre marque de fabrique. Non mais là ce soir oui c'est violent quand même. Et d'ailleurs je vais lire les messages mais après. Tous les messages que vous avez envoyés par rapport au canular qu'on vient de faire avec Aurélien. Très très bon le cousin. Ouais. Oh putain, enculé, putain de merde. Bon allez on se met le son de Drake maintenant avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Juste après, promis, on récupère Samy, Déborah qui vient d'arriver, qui voulait parler et réagir aussi à la tromperie. Il y avait Baptiste, il y avait Adrien, il y avait Thomas. Promis, je vous prends dans quelques minutes tout le monde. Il est 00h40 sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h du mat. Il y a enfin quelque chose à écouter la nuit, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Le son de Drake à l'instant sur Fun Radio, oh là là, c'est du lourd hein, ce soir. Minuit 43, on n'a pas fait le quart de la moitié de ce qu'on voulait faire pour l'instant, mais c'est pas grave. Il y a Sarah qui dit vous êtes quand même la meilleure radio. Bah, merci Sarah. Benoît également, franchement, très bon canular à l'instant, c'est du très lourd ce soir. Il y a Don Gomez Correa qui dit on n'a pas dit bon anniversaire à Gilou. Non, il est prévu, on l'aura tout à l'heure. 7 du 59 qui est trop fort, merci pour ça, j'en ris encore. Par contre, on rit, c'est pas un Z, 7 du 59, hein, parce que ça se mange, ce rire. Là quand même, c'est un petit effort quand même. Maxime également qui dit je crois que le mot enculé est passé 5500 fois au moins, pété de rire. Si Toff se faisait autant enculé, il pourrait plus marcher. Ah oui, ça c'est sûr. Elodie qui dit oh le cousin, il me pète un plomb là, je suis plié en 4 stops, j'ai mal au ventre. Giovanni aussi qui avait envoyé un message mort de rire, la crise, vous êtes trop ouf. Il y a Road Diamond également qui dit va te faire enculer, gros bâtard. Stéphanie qui dit oh là là, mort de rire, je crois qu'on a jamais été, on a jamais eu un gars aussi énervé. Ah, ça c'est sûr. Benoît également pour peu que le mec soit abonné chez les Ultras. il a déjà envoyé un mail de groupe. Ils sont en train de faire un bus pour monter. C'est pas impossible. Et Mister Steven qui dit il a pété un câble, cousin. À quelle violence. Yako aussi. Pascal, putain, j'ai tellement ri que j'ai une crampe au pied. Vous êtes trop top. Okay, je suis quand fan même, hein. De nous. C'est Polo qui avait envoyé le message. J'ai tout fait. Voilà. 7 du sac 9 qui dit je suis plié de rire. Je vous kiffe. Benoît aussi énorme le canular. Il y a Petit Du qui dit énorme. Ah, GTR aussi trop fort quand un Parisien t'appelle, tu te tailles. Et Mouloud qui dit mort de rire. Il est magnifique le canular. Et je peux pas lire tous vos messages parce que putain il y en a énormément qui sont arrivés là. Mais c'est du très très lourd. Il y a Milifou aussi qui dit mort de rire. Quelle violence, je rigole bien. Bilou, je fais quelque chose en pensant à toi. C'est signé Xavier. Ah bah on est ravis de l'apprendre. Et vous êtes des malades, c'est Sarah. Bref, merci en tout cas pour tous les messages. C'est super gentil. Petit point. Top Twitters donc. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel est le... On fait le top 6 ce soir puisque c'est le 6ème qui gagne le sextoy. Numéro 6. C'est Benoît Bebeu. Benoît Bebeu qui repartira avec le sextoy si ça s'arrêtait là. Numéro 5. Milifou. Non, Milifilou. Milifilou. Numéro 4. Fredes. Numéro 3. DJ Roms. Numéro 2. Cédric. Numéro 1. Let's be freaks, évidemment. Ouais. Voilà, donc bravo. Je rappelle que c'est le 6ème ce soir qui repart avec le sextoy offert par PassageDuDésir.fr. Quelle horreur. Ah, une horreur. Une horreur, il a plus la voix la plus moche du monde. Oui, mais des sextoys sympas. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça devrait être Camille Olytris qui est passée nous voir de la voix off de PlaisirDésir.fr. C'est un très bon cadeau. Oui, non, ça, bien c'est sûr. La voix off. Non, je parle de la voix off quand il est offert par. Je pourrais faire des efforts. Hein. Ouais, je vais offert travailler. Offert par. PassageDuDésir.fr. Plus PassageDuDésir.fr. Ah, tu vois, il y a peut-être quelque chose, ouais. Moi, tu veux, on l'enregistre, et tu la merde. Ouais, pourquoi pas, je pense que ce serait mieux, tiens, un espèce de duo. PassageDuDésir.fr. Ouais, c'est une idée, ouais. On va y penser. Bah, c'est, écoute, on va y penser, ouais. Bon, il y a Benoît aussi qui avait envoyé son message là. Lol, je me tape une de ces barres là, il pète un câble, mec. Paris est magique, c'est Ariel et Louis qui dit vive les Marseillais, je suis pété de rire. Et un message aussi quand Mickaël devient supporter parisien. Oui, alors je m'en fous hein, dans l'idée, hein. Donc rassurez-vous, les Marseillais, ouais. C'est une vanne, hein. Y a pas de problème. C'est Mister Steven qui dit Mickaël en supporter parisien, c'est énorme. Bon, allez, tous les messages qui arrivent là sur le hashtag Mickaël, sur le Facebook également, facebook.com/MickaëlOfficiel. Et puis, bah, sûr, hein, sur le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ouh, retour avec Samy. Hey, désolé Samy, on a traîné à te récupérer là. Ouais, mais, c'est pas grave les mais gars. Mais ça a bougé grave. Là. Bon, ça t'a fait marrer comme le canular avec Aurélien. Ouais, j'ai bien rigolé. Hein. Ah bah ouais, en plus t'es Marseillais toi. Ouais, mais bon, c'est des fatigués. C'est vrai. Oh, le Paris. Ouais, Paris. Paris. Ah, jamais, allez l'OM. Allez l'OM. Ah, t'as pas dit va te faire enculer, je suis déçu là. On sera arrivé à 5501 enculés depuis 23h, c'est dommage. Premier sur va te faire enculer. Ah, bravo. Et ben voilà. Petit enculé. Très bien. On est premier sur l'enculé, les gars. Ah, ben complètement, oui. Premier. Bon, Samy, donc toi, tu penses que ta copine t'a trompé. Enfin, tu es sûr que ta copine t'a trompé avec ton meilleur pote. Il y a également Déborah, 23 ans de Paris, qui est avec nous là. Salut, Débo. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, tant mieux. Sois la bienvenue, Déborah. Alors, t'as entendu le canular avec Paris et Marseille, là? J'ai entendu. En plus, je suis originaire de Marseille, donc c'est vraiment très drôle. Eh, tu habites à Paris? Ça, oh putain, enculé. J'allais dire, la parisienne n'est pas rancunière, mais en fait, non. Non. Mais dis donc, comme vous êtes tous les deux de Marseille, Samy et Déborah, là, ça veut dire quoi? Non, c'était quoi? Va niquer, t'es mort. Dire, tu vas niquer tous ceux qui sont morts. Oh là là, la violence. Oui, ouais. Un petit peu de nécrophilie gratuite. Ah ouais, c'est ça. Et On est premier d'ailleurs là-dessus aussi. Oui, bon, d'accord. On est premier sur beaucoup d'insultes, je crois. C'est une drôle d'insulte, mais pourquoi pas. Bon, Déborah, tu voulais réagir aussi par rapport à Samy, entre autres, et puis par rapport à Baptiste, Adrien, Thomas, etc. Là, par rapport à la tromperie. Est-ce que tu as déjà trompé ton mec ou... ton mec ou ta copine, je sais pas, Déborah. Alors non, moi pas du tout, je confonds en fait que le point de la fidélité c'est super important, mais par contre c'est vrai que je me suis déjà fait Attends, tu conçois que quoi est important? Le point fidélité. Ah, le point fidélité est important. La fidélité pour moi c'est super important dans un couple, donc je conçois pas d'aller voir ailleurs du tout. Moi qui croyais que c'était le point G le plus important. Non, merci Toff, c'est vrai. Oui, le sexe aussi c'est important. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai, je me suis déjà fait tromper, donc je comprends très bien ce qui peut en durer. Donc c'est vrai qu'après, me penser de se faire tromper ou de s'être fait tromper, c'est très dur. Parce que finalement, on est amoureux d'une personne et au final, on se rend compte que tout ce qu'on a construit avec elle, en fait, c'était du n'importe quoi en fait. Et du coup, tu repars à zéro avec, en te disant, est-ce que je vais ressortir avec quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne ne va pas à nouveau me tromper? Et au final, t'as du mal à faire confiance aux autres personnes après, quoi. Ouais, mais bon, après, c'est un peu, je reprends l'exemple, après, il y en a encore qui vont râler, mais c'est un peu comme si tu prends une voiture, il y a eu un défaut, tu vas dans un mur, c'est pas parce que tu vas reprendre une autre voiture qu'elle va automatiquement t'envoyer dans le même mur. C'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est sûr, mais la différence, c'est que bon, la voiture, c'est qu'un objet, alors qu'une personne. Non, oh, mais un mec, c'est un objet aussi, hein. Non, mais c'est vrai. C'est bête comme un objet, hein. Bah, ouais, bah, complètement, ouais. Ça mange, exactement, ça fait caca, ça regarde le foot. Alors que les filles ne font pas caca, jamais, ne vomissent pas, jamais. Pas. Exactement, c'est toujours propre. C'est propre. Et ça ne pète pas non plus. Je vais t'emmener dans certaines soirées. Oh, mais il touche, tu vois, voilà. Voilà. Tu vois, c'est on est toujours en train de tout sale, démonter, enfant, toujours. Putain, va. Il y avait longtemps que ma mère n'avait plus pris encore. Bon, donc. Et donc Déborah, donc du coup c'est comment tu fais toi? T'as nouveau confiance ou t'as plus confiance? Alors moi ça m'a pris 2 ans pour refaire confiance à un homme vu que je me suis fait tromper et que j'ai appris en fait que c'était pas seulement avec une fille mais qu'il y en a eu un paquet en fait. Ah oui d'accord. Mais écoute si tu veux je peux détruire tout ça très rapidement. Oui non il peut faire encore pire. Parce que lui il va te promettre mons et merveilles et après rien en fait hein, c'est comme ça que ça marche avec Toff. D'ailleurs Camille qui est venue nous voir ce soir, il t'a déjà fait une avance ou pas là? Non, pas encore. Ah, ça va venir. Ça hein. Va. Encore, je ferai ça en la raccompagnant jusqu'à l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Mais tu peux, je t'ai dit, hein, tu peux le mettre par terre et lui mettre une patate ou lui donner un coup de pied dans le ventre. Ah oui, y a pas de souci. Hein, moi, très bien. Rêve-lui un œil. Et Polo viendra filmer avec sa petite caméra Canon. Et moi, je regarderai, je compterai les points. Non, franchement, on peut se marrer, je pense. Tabasser. Ah ouais. Se fait tabasser. Ah ouais, par une meuf, ouais, bah ouais, moi je peux regarder avec plaisir. Ah non, mais c'est vrai. Toute cette violence à mon égard. Déjà, je vais pas insulter toute l'émission. Arrête. Tu sais, Camille pourrait défendre toutes les meufs de. Tu t'es foutu de leur gueule, tu vois. Toutes les meufs, elles pourraient défendre. Présente. Exactement. Wesh en place, t'as vu? Ouais, tac, elle est là. Voilà, elle est là. Tac, dans ta gueule, tu vas voir. Ouais. Bon, bref. Et donc, du coup, Déborah, qu'est-ce que t'aurais comme conseil à filer à Samy alors? Parce que lui, il veut simplement que son ex-pote lui avoue. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable, sachant qu'il le sait déjà? Bah, je pense que oui, ça serait mieux dans le sens où ça clarifierait l'histoire, parce que finalement, bah, c'est son meilleur ami, tu te dis comment mon meilleur ami est capable de faire ça avec ma copine. Donc oui, il faudrait mettre les choses au clair, parce que déjà, moi je trouve qu'être focus envers la personne et finalement ne rien dire, afficher un grand sourire alors qu'on sait que finalement, bah, il a couché avec notre copine, je trouve ça vraiment malsain. Donc je pense que oui, il devrait clarifier ça et surtout savoir pourquoi il en est arrivé là, parce que peut-être que finalement il est tombé amoureux, ou peut-être qu'il a envie de se taper la copine. Hein. Tu fais psy, non? Tu fais psy ou pas, non? Non, mais je suis dans le médical. Ah, et tu fais quoi dans le médical? Je comprends tout. Moi, je suis infirmière. Ah, d'accord, ok, très bien. Avec la petite blouse blanche? Très bien, mais une blouse blanche. Tout ça m'intéresse. Tu es nue sur la blouse blanche? Est-ce que tu veux m'intuber, s'il te plaît? M'entuber. Il me met faire un toucher rectal, je suis taf. Ah, quelle horreur. Ah, quelle horreur. Bon, très bien. Donc, alors, du coup, toi, tu le conseilles d'appeler, ok, d'accord. Il y a Baptiste également de Paris aussi, tiens. On a coupé les autres émetteurs aujourd'hui, je ne sais pas. Salut, Baptiste. C'est le derby aujourd'hui, c'est Paris-Marseille. Ah oui, il y a c'est que ça. Qui peuvent. C'est vrai. Ça va, Baptiste? Ça va et toi? Bah, très bien, ouais. Bon, toi, tu nous avais appelé parce que tu as trompé ta copine déjà. Bah, voilà. Bon, alors, du coup, on t'écoute. Ah, mais non, je suis con, Baptiste, c'est avec le beau-père. Ouais, je suis con, alors attends. Le beau-fils. Le beau-fils, ouais, oh, Baptiste, on a eu des nouvelles du beau-fils, on va le rappeler, il nous a appelé au standard là. Il a rappelé encore, hein. Voilà, on va l'appeler une seconde, il va se calmer un petit peu. Il a grillé, Baptiste. Bah ouais, bah alors bouge pas, Baptiste. Adrien également, qui est avec nous de l'Ariège là, oui, voilà, c'est ça, Adrien qui nous avait appelé par rapport à ça également. Bonsoir, Adrien. Salut tout le monde. Comment ça va? Et ça va impeccable et vous? Bah écoute, très bien aussi Adrien. Paris. Bon, alors, tu voulais réagir toi Samy, à Déborah du coup aussi, hein, par la même occasion, on t'écoute. Ouais, moi c'était surtout pour expliquer que moi aussi j'étais trompé il y a 5 ou 6 ans. En fait, on a couché ensemble avec... Hein? J'ai dit on a couché ensemble? Bon, ça m'étonnerait ça, c'est pas assez beau pour moi. Non, mais en fait, je venais de me fiancer avec une fille. En fait, on fêtait ça avec des potes. Ouais. Et en fait, dans la soirée, je l'ai retrouvé en train de niquer avec son ex. Ah oui. Ah oui, c'est de violence. Sans des choses qui arrivent. Ah bah oui. C'est un mal dégueulasse. Ah oui, c'est sûr. Et oui, et donc du coup, c'est terminé? Oui, bah oui, forcément. Je suis plus avec, maintenant ça fait 5 ans que je suis avec notre femme, donc voilà quoi. Oui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Samy toi alors du coup? Ben moi je dirais plutôt de prêcher le faux pour avoir le vrai, de dire ouais je sais que c'est toi, qui commence à dire, enfin qui sait que c'est lui, tout ça, et peut-être que le mec il va commencer à lâcher le morceau, peut-être pas maintenant, mais c'est peut-être faisable sur ça quoi. Mais c'est ce que t'as déjà fait Samy, non? Essayer de prêcher le vrai, de faux pour avoir le vrai? Bah ouais, ça j'ai déjà fait ça, mais voilà, ça veut... Ils veulent pas avouer, toi. Et il veut pas avouer, hein, mets-lui une lampe sur la gueule. Ouais, voilà, c'est vrai, un peu tendu dans ce cas-là. Tu le menaces. Ouais, ouais, tu le menaces, ouais. Tu le séquestres 2-3 jours dans la cave et puis tu vois. Non, non, ça c'est pas une bonne idée. Attends, on a également Thomas avec nous, là, de Saint-Ouen-en-Brie, dans le 77. Salut Thomas. Salut les gars. Comment ça va? Ça va et vous? Bah très bien Thomas. Bon, on a pas fatigué du canular là, mais sinon ça va. Parce qu'on s'est pris tellement de temps. Vous êtes forts, vous êtes forts. Ah bah merci. Bah allez, nous on a pas fait grand chose hein, pour le coup. Hein. C'est non, mais il a raison, allez l'OM, il a raison. Voilà. La région parisienne, je suis né à Paris, mais je supporte l'OM. Ah, toi t'es parisien, mais tu supportes Marseille. Moi je supporte l'OM, moi je supporte pas. Très bien. Non, c'est pas possible, ça passe pas. Bah surtout après le 2-0 d'hier face à Evian Tonon-Gaillard. Ouais, non, mais ça c'est l'embêtement. Evian, c'est l'embêtement. Ça fait quelques matchs, il parle très déjà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Thomas, ouais, alors, ne ça, parlons... Thomas, t'es cocu, donc... Ne parlons pas foot. Ouais, toi, t'as été cocu, c'est ça? Ou t'es cocu, ou c'est quoi? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai déjà trompé une meuf, mais... Ouais, je suis cocu aussi, ouais. Alors, explique-toi. Ouais, bah, moi, c'est je rentrais du taf, ça faisait un an, j'étais avec ma copine, on avait un appart et tout, et je suis rentré du taf plus tôt que prévu, et je suis rentré, j'ai ouvert la porte, elle est en train de se faire déglinguer sur le canapé. Ah, c'est bon, ça. J'aime bien le terme, déglinguer sur le canapé. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu l'as viré? Bah, du coup, j'ai regardé, elle m'a vu, elle a dit non, mais bébé, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois, je lui fais un petit massage. C'est ça. J'ai regardé, je dis, ah, c'est quoi, vous êtes en train de jouer au poker, c'est comment, et le mec, en fait, ils sortent ensemble, parce que le mec, il a dit, ouais, c'est qui lui, bébé, et il a pas eu le temps de finir sa phrase. Non, mais il avait une pustule, regarde, je sens. Attends, donc ça arrive vraiment, en vrai, le. Non, mais attends, c'est pas. Que tu crois? Non, moi je pensais qu'il y avait que dans les films. Ça arrive. Ah donc ça existe vraiment le. C'est... Ouais, mais c'est pas ce que tu crois. Bah mec, enfin si c'est ce que tu crois, mais je voulais pas. Oui je voulais pas. Oui mais t'as fait quoi là? Il t'a violé? Non. Bah alors c'est quoi le délire? Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Oh putain c'est bon ça. Ça existe. Franchement je te conseille pas que ça t'arrive parce que c'est. Ah bah chaud, oui non, bah c'est mieux. Ça existe. Et du coup donc après tu l'as revu la meuf ou pas? Du coup je l'ai jeté, elle a pris une paire de claques et voilà. Ah là carrément ouais. Et le mec tu lui as mis une patate aussi ou pas? Non on va pas en parler du gars. Non mais franchement parce que pour le coup t'aurais déjà pas dû taper ni l'un ni l'autre, mais pour le coup le mec tu t'aurais même pas dû lui faire quoi que ce soit. Le mec si ta meuf elle lui dit qu'elle est célibataire. Mais attends, il n'y a pas marqué sur son front qu'elle est célibataire ou qu'elle est occupée. Attends, imagine. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ouais mais Thomas, imagine tu rencontres une meuf. Elle te dit ouais, je suis célibataire et tout le bordel. Et puis après quelques semaines ou mois, tu te rends compte qu'elle l'est pas parce que tu rencontres son mec. Le mec qui veut te casser la gueule, tu vas dire attends, moi j'y peux rien, moi elle m'a dit qu'elle était libre. Certes, c'est sûr. Quand tu parles dans cette logique là, c'est sûr. Quand t'as les nerfs à vif, tu vois ta copine en train de se faire défoncer sur le canapé, tu rentres du taf. T'as un appart, tu vois pas les choses pareilles. Oui, bah non, mais d'accord, je veux bien. Mais il y a le prince qui reste pas Mickaël, le célibataire est en top 8 parmi ses actualités chargées. Oui, c'est vrai. Bah c'est grâce à vous, pas à moi. Hein. Magdalena qui dit le bébé c'est pas ce que tu crois, c'est quand même pas mal. Non mais ça c'est sûr. Hein. Non, et Ariel qui dit ne frappez pas Toff, il est déjà assez déformé comme ça. Ouais, c'est pas faux également. Ouais. Bon bah du coup Samy, alors qu'est-ce qu'on fait? Franchement j'aimerais bien appeler mon collègue là pour voir un peu les bails. Bon bah écoute pourquoi pas, mais t'as le numéro là, il est pas trop tard, sinon on le fait dimanche. Ouais là il est pas trop tard là, c'est sûr. S'il est pas trop tard ça va. Bon je te repasse Sandro, Samy, bouge pas de là. Déborah, ben merci beaucoup, hein, gros bisous. Gros bisous. Et à bientôt Déborah et Adrien et Thomas, merci beaucoup également à vous deux d'être passés, ouais. Vous revenez quand vous voulez. Ben merci, y'a moyen que je te gratte un petit cadeau ou pas? Bah écoute, je crois qu'il doit rester des packs fun, tu vas gérer ça avec Sandro, sans problème Adrien. Ouais, ben ça roule, merci beaucoup. Y'a pas de problème, merci Adrien, merci Thomas d'être passé. Ouais les gars, je passe une petite dédicace là. Allez vas-y Thomas, une seule personne, vas-y. Ok, y'a pas de soucis, bon bah une petite dédicace à ma petite Aurélie, ma meilleure amie, toujours là pour moi, que j'aime fort, je lui fais des gros bisous, elle m'écoute en ce moment. Et voilà. Et t'as envie de la pécho? Non, c'est elle, ça reste ma meilleure amie. T'inquiète, on a compris, regarde, je te fais un clin d'œil. T'inquiète, on a compris. Ouais, on a compris. Ouais, pas de problème. Où tu veux en venir? Non, ouais, t'inquiète. Non. Ça roule. Bon, bah nickel, Thomas. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. À bientôt. Salut. Allez, ciao. On va récupérer Baptiste là qu'on a eu, qui sortait avec une meuf de 47 ans, qui a trompé avec une meuf de 17. On a appelé la meuf de 47 parce qu'il voulait la récupérer, est tombée sur son fils. Ça a un peu dérapé. C'est un peu dérapé. Le fils qui finalement nous a reconnu et donc a rappelé le standard parce qu'il veut repasser à l'antenne. Et Baptiste qui voulait le rappeler. Donc tout va bien. Ouais. Ça va bien se passer. Mais oui. On veut qu'on te mette sous perf. Oui, je pense que. Allez. Allez, Mickaël. Voilà, ça va mieux là. Respirez. Soufflez. Respirez. Détendez-vous, monsieur. Ça va bien se passer. Alors, on va mettre une chanson d'à-propos, tiens. Eh, hey, Baptiste. Ouais. On va mettre une chanson d'à-propos. Vas-y, vas-y. Ah, attends. Jason Derulo avec Marry Me. Oh. Tu pourras dire ça à Emily dans quelques minutes. Ah, Baptiste. Mon beau-fils, il va quitter là. Ah ouais, je pense que c'est clair, ouais. 105 is the number that comes to my head. Plan the door. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio, c'était Marry Me. Il y aura aussi le son des Global DJs dans quelques minutes. Ah là, et je vous passerai aussi, comme promis, le nouveau son que vous nous avez fait découvrir, le son de New World Sound avec The Flute. Voilà, c'est ce qui arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien avec nous, il est 1h03, on est à la cool. Plein de messages avec Tom Z aussi qui dit j'ai kiffé le bébé, c'est pas ce que tu crois. Non mais c'était énorme. Stéphane Henny qui dit on ne tape pas mon teuf, sinon je viens le réconforter. Oh bah, merci écoute. Et Let's Be Freeze qui dit il était énorme ce canular. Et Tom Z encore qui dit vous lui avez zlatané le cerveau au Marseillais là. Il faut rappeler Gilou, ouais t'inquiète c'est prévu. Il y a Jospin également qui dit toute l'équipe vous déchirez, ne changez rien, merci. Et 7 du sac 9 qui dit je suis plié de rire, j'en pleure de rire. Bon, 7 du sac 9, t'exagères, t'as écrit RI tout à l'heure avec RIZ au lieu de pour le rire et là tu mets Jean pleure JEAN. Mec, c'est Jean qui pleure ou c'est toi Ced comment te dire. Bon, DJ Roms qui dit bon ce canular, je dirais même très très bon. Et Sarah qui dit il va devenir dingue le Marseillais là. Ah oui, oui, mais il est devenu hein, ça y est c'est fait. N'oubliez pas aussi de m'ajouter hein, si vous voulez sur le Twitter de l'émission, vous tapez MIKL_, c'est le petit tiret en bas officiel. Si vous m'ajoutez, eh bien je vous suivrai également à mon tour et avec grand plaisir. Et puis on va encore faire un petit appel avec Toff, on appelle Baptiste juste après. Bah oui, parce qu'on en a pas fait beaucoup ce soir, on en a fait qu'un seul. Je suis triste. Bah ouais, je sais bien. Bon, on y va, donc c'était pour savoir si vous aviez déjà fait des vidéos de vous. Voilà, en train de faire l'amour. Du sextape, quoi. Oui. Voilà, très bien, parfait. Allez, sextape, c'est parti, on y va, on appelle. Si vous avez donné le numéro sur le mail de Toff, la toph@funradio.fr, alors allons-y. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. J'ai qui ? Moi, je m'appelle Toff. D'accord, et alors ? Ben, et alors, je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Oui, j'ai autre chose à faire, franchement. Que de vous filmer ? Non, bah on ne sait pas si c'est de filmer ou si c'est sur le moment même. On va le rappeler. Bah oui, il faut rappeler parce que là, on ne sait pas. Bah non, là, du coup, c'est dommage. Bon, on rappelle. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur. Ouais, vous êtes qui, là ? Moi, je suis Toff, monsieur. Ouais, c'est bien pour ta vie, cousin, mais appelle pas sur ce numéro, je te dis. D'accord, mais parce que, en fait, je posais une question à votre femme et on a été coupé. Non, mais c'est pas ma femme, c'est ma daronne, cousin. Donc, tu sais même pas, tu fais tes manières, cousin, tu t'arrêtes d'appeler sur ce numéro-là. Oui, oui, d'accord, mais parce qu'elle avait parlé... Non, mais y a pas de... Oui, oui, d'accord, cousin, c'est tout. C'est, tu t'appelles pas, tu dis, ok, désolé, au revoir, c'est tout, point, s'arrête là, pourquoi tu veux faire des manières ? Mais je fais pas des manières, c'est juste que vous avez pas répondu à la question. Mais ferme ta gueule avec ta question, cousin, c'est tout, nique ta mère, cousin, arrête d'appeler sur ce numéro-là, c'est tout, point, s'arrête là. Je m'excuse, mais je vois pas le rapport avec la question, monsieur. Mais je m'en bats les couilles, je te connais pas, qu'est-ce que tu vas me poser des questions ? Bah, on se connaît moi, pas. Je me demande... moi je te demande si ta mère, elle s'est filmée, cousin. Non, donc ferme ta gueule, cousin. D'accord, mais parce qu'en fait... Bah, moi, voilà, c'est tout, ferme ta gueule, y'a pas d'accord, ferme ta gueule, c'est tout, voilà, vas-y, ciao. Mais attendez, vous avez pas répondu à la question ? Ah ben voilà, comme ça s'est arrangé, bah après, oui. On va rappeler encore un coup. Bah oui, il a pas répondu, il est con. Ah oui. Allez, c'est reparti, on y retourne une petite dernière fois. Et t'as pas compris ? Non, mais non, je crois que c'est vous qui avez pas compris la question, monsieur. Je répète ta question de merde là, parce que je vais te gifler. Mais je voulais savoir si... Ma mère, je vais te chercher, je vais te gifler. Non, je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Ouais, par ta mère. Ah, donc vous connaissez ma mère ? Bah ouais. Ah bon ? Elle est réputée, non ? Bah je sais pas, c'est à vous de me le dire. Ah bah ouais, bah moi je te le dis, elle est réputée, cousin. D'accord, et donc avec elle, vous avez déjà fait des films ? Ouais, bah tout le temps. D'accord, ah bah écoutez, c'est très gentil, monsieur. C'est gentil ? Bah d'avoir répondu à la question. Ah bah voilà, au revoir. Hein, vous voyez, il suffisait de répondre. Ouais, voilà, c'est tout, au revoir. Voilà, allez, une bonne soirée, monsieur. Ouais, au revoir. Ta mère, elle est réputée. Ah merde, elle est réputée, Taf, c'est bien. Ça, au moins, on en sait un petit peu plus. Hein. Bah, écoute, tous les jours, j'en apprends. Bah écoute, franchement, c'est bien. Il a fallu faire de la radio sur Fun pour en savoir plus sur ta remise. Ah là là, ma pauvre mère. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Oh, elle doit se retourner dans son lit. Ah oui, c'est certain. Je vais être dans sa tombe. Non, non. Oh, pardon, je l'embrasse. Oh, elle est super, elle est géniale. Bah oui. Ouais, ouais, franchement. Bon. Ah, bah, pour accepter elle tout m'a fait ça. Un petit déjeuner une fois. Confirme. Non, bon, sérieux. On reprend Baptiste là. Souvenez-vous, on était là. Oh putain, il faut que je rappelle à chaque fois tout. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, qui viennent dans de débarquer. Précédent. Michael No Limit. Bon, il y a donc Baptiste qui nous avait appelé parce que il a trompé sa copine. Sa copine âgée de 47 ans, presque sa mère. Enfin oui, pour être sa mère. Lui en a 19, il l'a trompé avec une meuf qui en a 17. Il s'est fait gauler, évidemment. Du coup, le beau-fils. Il faut préciser qu'elle est archi bonne aussi. Hein? Oui, elle est bonne, mais enfin, on s'en fout. Et donc, le beau-fils. Ah, tu vas tomber amoureux, Mickaël. Tu non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Et donc, il y a aussi. Non, je crois pas, Baptiste. T'étouffe pas, Polo, t'étouffe pas. Et donc, il y a le beau-fils, c'est-à-dire le fils de la meuf de 47 ans, qui fait barrage. J'ai essayé d'appeler la Émilie, donc la mère, la copine de. Bah, enfin, on va la rappeler. Ouais, okay. Perds pas de temps. Parce que... En fait, on s'est fait insulter, on va se faire insulter. Je peux plus là. Je peux plus. Là, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà, on fait ça comme ça. Bon, Baptiste, tu lui parles alors du coup. Parce que moi, il m'a insulté, il a eu tof, il l'a insulté. Donc, tu as dit, oui, mais t'inquiète pas, je vais arranger, je vais le calmer. Alors qu'il a dit, ouais, mais c'est quoi, c'est cet enculé de Baptiste qui veut lui parler? C'est un coup cet enculé? C'est ça, hein? Ouais. On y va, on rappelle alors? Vas-y, ok. Vas-y. Bon, je te laisse faire, hein, mon gros. Hein. Eh, appelle-le, mon fils. Eh, ouais. Fiston, appelle le fiston, va se marrer. Ça marche. Allô? Ouais, fiston? Allô? Allô? C'est qui? Allô? C'est mon beau-père. Ouais, c'est mon beau-père, là. C'est ton beau-père. Comment ça, ton beau-père? Allô? On t'a dit de pas rappeler. C'est Bastien. On t'a dit de plus rappeler. Bastien? Ouais, Baptiste, Bastien, c'est pareil quoi. Baptiste, Bastien, allô, c'est pareil. On t'a dit de plus rappeler. Eh, écoute-moi, arrête de faire le malin. T'étais SDF quand on t'a trouvé, nous. Eh, je vais le calmer. Écoute-moi, c'est ce qu'il a dit. Mais tu veux que je te dise? Je voulais te dire un truc, on va te le dire maintenant. Aïe. On va te le dire. Tu veux qu'elle... Attends, je vais te passer ma mère. Ah, attends. Bah très bien, bah, je vais pouvoir un peu lui parler. Passe à moi, ta mère. Attention, je ne sais pas du tout ce qui va raccroché, se passer. Hein. Ah ouais, bah très bien. Bah il a raccroché là. Bah voilà, on est bien avancé. Eh, hey, Baptiste, rappelle, c'est un narvalo. Baptiste, t'étais pas censé nous dire ouais, t'inquiète, je vais le prendre, je vais le calmer, moi, tu vas voir. Hein? De quoi? Ah, Baptiste ou Bastien? Non, c'est en fait sa mère. Je lui dis Bastien au début et après elle a su mon. T'es pas en train d'essayer de te foutre de notre gueule, toi, par hasard, Baptiste? Hein, tu nous aurais pas donné un faux prénom pour qu'on te reconnaisse pas? Hein? T'es non, pas en train pas, d'essayer même... de te foutre de notre gueule? Non, même pas, je te promets. C'est ouais? Pas... Bon. Ouais. Allez, on rappelle, un petit dernier coup là. Bon, après, on passe à autre chose parce qu'il y a Gilou qui pose dans le standard là. Alors lui, il est chaud comme la braise là, il a envie de passer. Ah oui, après, tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein. Allez. Allô? Ouais, trou de balle, pourquoi t'as raccroché là? Déjà, il le chauffe. Allô? Trou de balle. Eh, écoute-moi bien. Nico, fais pas le malin. Hein. Passe-moi ta mère. Eh, fais pas le malin parce que moi, je te pète les dents. On t'a dit de plus rappeler. Pourquoi tu rappelles? Mais passe-moi ta mère, je te dis, fiston. Pourquoi tu rappelles? On t'a dit de plus rappeler. Quand je saute ta mère, est-ce que t'es là à dire ouais, saute pas ma mère? Justement, je veux plus que tu sautes ma mère. Bah moi, ta mère, elle est... Elle aussi, elle veut plus que tu la sautes. Parce qu'elle a dit, elle a dit que t'avais une petite bite de toute façon. Bah elle a une grosse chatte. Oh, t'avais une petite bite et qu'elle t'appelait 3x3. Ouais, mais pendant que je me tape ta mère, 3x3 minutes. Chercher mon petit café, ça tu le vois pas, ça petit bâtard. Allez, 3x3, salut. Hein? Un petit PD. Il est parti. Oh, bon, là, ouais, écoute, Baptiste, de toute façon, moi, je vais raccrocher aussi parce que je parle pas aux petites bites. Hein. Ouais, et puis 3x3. Et puis 3x3, ouais. Même moi, je suis pas sûr. Sauf qu'il a la rage, mais sa mère, elle aime. Bah ouais, mais bon, là, malheureusement, Baptiste, tu vas te retrouver la bite entre les jambes. Hein. Bon, bah écoute. Bah voilà, en plus, elle est petite, donc elle prendra pas beaucoup de place, c'est le principal. Bon, bah écoute, salut Baptiste. Hein. Bah Mickaël, je peux avoir un petit cadeau pour Emily quand même. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais t'es un ouf. Tiens, toi. Voilà. Dans ta gueule. Non, je t'en mets un petit cadeau là, tu vas voir. Oh, bon, c'est pas sympa, je te repasse Sandro, elle insiste pour te filer un pack, hein, on va te filer ça. Ok, bah. Avec beaucoup de capotes pour essayer d'en trouver. Mais oui, exactement. C'est ça, une dédicace? Non, Baptiste. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, une petite dédicace. Une seule personne. Ok, pour Hef. Parfait, eh ben, le message est passé. J'espère que tu t'en es bien rendu compte, c'est parfait. Il était parfait. Alors, au moins lui il a compris, tu vois, pour une personne, bam, il l'a fait, ça y est, c'est plié. Bon, on va récupérer Samy, on va appeler le meilleur pote dans quelques minutes. On aura Valentin également là qui est avec nous. Salut Valentin. Salut. Comment ça va? Bien toi? Bien, tranquille Valentin, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi? Bah en fait j'ai des problèmes d'éjaculation. Qu'est-ce qui va pas mon grand? Bah je me bois 2 à 3 fois par jour et bah mais... ça vient plus quoi. Bah oui, ah oui c'est normal, il y a un moment quand la cuve elle est vide, elle est vide hein. C'est quand tu prends de l'eau et une petite citerne là, tu sais quand il y en a plus ça tombe plus hein. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bon écoute Valentin, on va en parler, je sais pas si on va trouver une solution mais on va essayer d'en parler dans quelques minutes. Tu restes là Valentin? Ouais. Bon on a encore des appels aussi à faire avec toi, on a plein de numéros alors on va faire ça dans quelques minutes. Il est 1h13, une soirée paranormale ce soir. Avec tous les messages que je vais lire avec le hashtag Mickaël et Global DJs maintenant sur Fun. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Bienvenue si vous venez de débarquer, si vous êtes nouveau. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe tous les soirs de 23 à 2h. Et le dimanche également, 20h minuit sur Fun Radio. Je vous offre 500€ aussi dimanche soir sur le Facebook pour pouvoir acheter ce que vous voulez. Hein, si vous voulez des fringues pour Noël, par exemple. En plus, vous serez livré, enfin, vous serez payé avant Noël. Si vous voulez pour acheter des fringues, acheter des pompes, pour les filles, du maquillage, même de l'high-tech pour les mecs. Bref, comme vous voulez, ce sera gagné dimanche soir. Et on sera également d'ailleurs à Montpellier tout le week-end, dès demain d'ailleurs. On prend l'avion demain matin. Midi pour être précis, on arrive direction 16h30, 17h, on sera sur l'esplanade du lycée Joffre. Voilà, esplanade du lycée Joffre demain, donc vers 17h avec plein de cadeaux à gagner. On ira faire un match également, un match de foot contre vous ou avec vous si vous voulez, peu importe. Un Soccer 5, ce sera donc demain, samedi, pardon, je vais y arriver à 16h à Castelnau-le-Lez. Le Lez, ce que j'ai dit, j'ai fait le Lez. Voilà, et puis on ira bouffer aussi au resto là avec bon, Fred Fun. Hein, donc si vous voulez venir manger avec nous, vous serez les bienvenus, bien entendu. Et puis l'émission en direct du studio de Fun Radio à Montpellier sur la place de la Comédie, ce sera dimanche à 20h. Et on vous attend nombreux et nombreuses évidemment pour se marrer tout le week-end. Il y a Benoît aussi, vous êtes vraiment énorme là, l'équipe. Merci à vous tous. Denis qui dit je pleure et je me marre. Et Ludwig qui dit nouvelle personne qui vous écoute, Mickaël, vous prenez de l'ampleur au Canada. Ça continue comme ça. Ah bah très bien, tabernacle, c'est très bien qu'on vous écoute là-bas, dis donc. Et Maxime qui dit Polo, il va y. Attends, c'est quoi? Polo, vas-y, reste-y, continue comme ça. Et Mickaël, c'est plus où il en est, la pété de rire. Oui, j'étais un petit peu perdu. Et le bœuf ferré qui dit à cette allure-là, la mère de Tof va être plus connue que lui. Oui, bah ça, c'est déjà fait. Hein. Non, mais c'est surtout déjà fait. C'est surtout totalement déjà fait. Faudra qu'on la mette sur les stickers. Bah. Ouais, ce serait drôle ça. Ça, ce serait drôle. Ouais. Je crois qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Ouais, c'est vrai. Bon, on rappelle? Allons-y. Allez, on fait encore un petit appel pour voir si les gens ont déjà filmé leurs ébats amoureux. C'est parti, on y va, on appelle, let's go, les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et vous pouvez continuer d'ailleurs. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Écoutez, gros fils de pute. Oui. Je sais pas à quoi tu joues. Oui. Tu veux venir chez moi? Bah non, moi, je veux juste savoir si vous vous filmez quand vous faites l'amour. Tu veux venir chez moi? Non, pourquoi vous voulez que je vienne chez vous? Mais histoire que je te défonce bien ta grosse gueule dans le culé de ta mère. Non, mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Moi, je veux juste savoir si vous êtes déjà filmé. Mais je t'emmerde. Oui, mais vu là ce que t'as l'air d'avoir, franchement, t'as que ça à foutre, t'as pas de vie ou quoi? Non. Bah non. C'est quoi ton problème? Bah rien, moi je veux juste savoir si vous vous filmez pendant que vous faites l'amour. T'as filmé mon numéro de téléphone. Ah oh, ça je sais pas madame. Moi je note pas tous les gens qui me donnent des numéros. Non mais vous répondez à la question, on n'en parle plus. Moi je comprends pas pourquoi vous faites autant de chichi. Parce que je t'emmerde. Mais ça a pas de rapport avec la question ça madame. C'est, je sais pas, je trouve ça lâche. Qu'est-ce que vous trouvez lâche? Faire chier les gens comme ça. Mais je vous fais pas chier, je vous pose une question. Je crois que j'ai pas assez de problèmes comme ça dans ma vie là pour que tu viennes m'emmerder avec tes questions de merde. Oui mais je vois pas. Il y a pas assez de putes en France là pour que t'ailles t'exciter la nouille là. Je comprends pas. Hein, mais... Pourquoi tu m'emmerdes moi? Tu peux me le dire ça, hein? Pourquoi tu m'emmerdes moi? Mais je vous emmerde pas madame. Tu te connais pas, tu te présentes même pas, t'as même pas les couilles de te présenter. Bah et au moins les couilles de te présenter, t'es qui? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tof madame. Ouais, Tof comment? Tof comme Tof. Ah d'accord, t'as même pas les couilles de te présenter. Bah si, je viens... Tu es un bonhomme. mais t'es qu'une grosse de merde, quoi. Franchement, t'es qu'une grosse merde. Des mecs comme toi, j'en chie tous les matins, culé de ta merde. Oh, puis ça, c'est, mais c'est une soirée ce soir qui va rester dans les annales, surtout dans l'anal de Toff. Ah oui, ça, ça c'est sûr. Alors, on va rappeler, on va rappeler encore un coup là, ouais, juste pour le plaisir. Moi, je vais sur massacre. Allez. Ce gros connard va te faire enculer. Oh, aïe, aïe. Oh, classe, ouais, classe, ouais, exactement, c'est sympa. Vraiment, ouais, top classe, quoi. Vraiment, là, pour le coup, on est pas mal, on est pas mal, on est même très très mais bien. C'est ouf. Oh mon Dieu. Bon, Samy. Ouh. Samy. Samy. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais bah, dis donc, mec, t'étais où là? Putain, j'étais en train de vous écouter, je le défoue. Ah, non, non, nous, on fait rien. On vous écoute. J'ai gueulé comme un chien, là, et tu ne répondais pas. Tu vas rester au téléphone. Bah oui, bon, Samy, on va appeler le mec, alors... Alors, Samy, voilà, qu'on a eu au début d'émission. Putain, en fait, il faudrait quelqu'un qui fasse chaque fois, tu sais, le rattrapage. Ouais, c'est ça. Moi, je veux qu'on donne un challenge à Samy. Il n'a pas le droit d'insulter pendant tout l'appel. Ah oui, faut pas d'insulte, Samy. Pas d'insulte, ok, pas de problème. D'accord. Je compte sur toi, okay, parce que nous sommes une émission sérieuse. Bah ouais. Ok, pas de problème. Et nous ne voudrions pas d'ennui avec le CSA, alors qu'on n'est même pas là depuis 5 mois. Je voudrais pas qu'on ferme la boutique. Imagine, Mickaël revient sur Fun Radio. Hop, la radio est fermée. Trop vulgaire. C'est clair. Bon, Samy, on va l'appeler. Donc, en gros, donc pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là depuis le début, tu penses, enfin, tu es certain que ta copine t'a trompé avec ton meilleur pote, enfin, ton ex-meilleur pote, voilà, en l'occurrence, et tu voudrais simplement qu'il te l'avoue et lui continue à nier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, on l'appelle. Comment il s'appelle, le pote? Raton. Quoi? Il s'appelle... Raton. Comme un raton laveur. Ouais, raton. Mais c'est quel... C'est un surnom, c'est pas son vrai nom. Non, c'est comme ça, il s'appelle comme ça, raton. Il s'appelle raton. Ouais. Moi, je quitte cette émission. Je reviendrai dimanche. C'est pas possible. Non mais il s'appelle raton, mais c'est de quelle origine? Espagnol. Ah, il s'appelle Raton. Raton. El Raton. Très bien. T'es sérieux là, bon, Samy? Bah écoute, non mais on va l'appeler El Raton. Pas de heureusement que j'arrive à rouler l'air. Bon bah très bien. Et sinon on salue également Drac qui m'a envoyé un message là. Sinon vous êtes vraiment trop fort là, vous gérez. Oui, Drac qui est un nouvel auditeur en fait, hein, qui est un ancien d'une autre radio et qui finalement a trouvé la bonne. Voilà, donc très bien Drac, sois le bienvenu, tu vas voir, tu vas t'y faire. Oh, on prend vite goût aux bonnes choses et on oublie très vite les mauvaises. C'est vrai. Voilà, non mais c'est vrai, genre ça reste l'exemple d'un yaourt. Ouais. Tu prends un yaourt qui est mauvais. Non mais c'est vrai. Tu prends un yaourt qui est un peu périmé, il va peut-être pas forcément être mauvais. Puis après t'en prends un bon sucré et tout. Et là tu te dis. Ça fait pareil avec, tu sais, les fausses marques. Ouais, tu exactement. Mais t'as des vraies marques, des belles marques de yaourt comme Danone et tout. Et puis t'as les marques pourries là, des supermarchés de merde. Voilà. Et ben c'est dégueulasse. Et ben c'est pareil. Quand on c'est, te dit, en c'est fait, la copie n'est jamais aussi bonne. C'est vrai. Exactement. Et pour le coup, c'est clair. Bon, Samy, on y va. On l'appelle El Raton. Ok. Non, et puis. Moi je vais décrocher. Attention, je m'en vais. Pas d'insultes. Je te mets le timer. À partir du moment où il a décroché. Si l'appel fait plus d'une minute, après une minute, tu peux commencer à le dégommer. Mais sinon, avant une minute, non, pas d'insulte, d'accord? Ok, ça va. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle El Raton. Oh, je veux pas écouter. C'est parti. Non, mais si. Je décroche après. Il fait du reggaeton ou pas? Ouais, oui. Allô? Ouais, allô? Oui. Ouais, attends, c'est Samy, là. Oui. Ouais, bon, je sais que c'est au moins la millième fois que je t'appelle et tout, mais voilà, tu vois, je vais pas dormir et je veux que tu me l'avoues, en fait, une bonne fois pour toutes. Mais un matin, tu es sérieux, là? Tu m'appelles à je sais pas quelle heure pour me parler de temps, quoi? Ouais, je suis sérieux. Et tu veux savoir quoi? Oh non! Mais je veux que tu me dises la vérité. Mais je t'ai dit déjà la vérité, tu veux que je te dise quoi de plus? Non, tu manges, je sais, je porte tes couilles maintenant. Comme un homme, même toi. Bah écoute, moi je t'explique... Moi je t'explique comment je suis un homme. D'accord? Ouais, vas-y. C'est tout, j'ai les choses telles quelles, c'est tout. Il s'est rien passé, après, je sais pas... Il lui reste 5 secondes, après il peut être vulgaire. C'est tout. Ouais, les messages... Quand tu l'appelles, tu laisses des messages vocaux, tout ça, c'est quoi tout ça? Des messages vocaux. c'est pour rigoler, ça. C'est rien pensé, ça. C'est-à-dire, tu me prends pour un con, en fait. On n'a dit pas d'insulte, on a dit. Non, on n'a pas dit bien français. J'étais mon ami, je peux pas me prendre pour un con. Eh ben, c'est la voix qui? C'est une voix trafiquée? C'est pas toi? C'est écrit-moi. Hein? Non mais tu rigoles en plus, c'est ça le pire. Il pleure ou quoi? Non mais tu es sérieux là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Moi je te parle sérieux là. Elle raconte, qu'est-ce qui lui arrive? Attends, je l'ai toujours dit que tu étais un petit PD de toute façon. Je peux jamais faire confiance, toi avec les femmes tu trahis même ta mère. Attends. Putain, porte tes couilles un peu au lieu de rigoler là. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Est sur la vie de ma mère. De toute façon, c'est Marcel, c'est petit de toute façon. Ouais, on va se croiser un jour ou l'autre, rigole hein. Ouais, le raton là, t'as raison, rigole bizarre. Ouais. Moi quand je vais baiser ta femme, tu vas voir. Tu vas voir si tu vas rigoler. Ils sont pleurés. Ouais, mais le pire c'est que tu es sérieux là, tu te fous vraiment de ma gueule. Oui, là, oui. Wesh. T'as pété les plombs quoi. Oh, je te parle la petite salope. Pourquoi tu parles mal comme ça? pourquoi tu parles mal tout à l'heure? Pour tes couilles, parle comme un homme au lieu de faire le gamin là. Bon, on va intervenir. Hein. Oui. Tu crois plus ou quoi? Moi, je t'ai jamais trahi pour une gadi, moi. Tu lui demandes s'il a déjà fait des films ou pas? Attends. Non, mais attends. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Ouais, vas-y. Ta femme? Ouais. J'explique, c'est elle qui m'a branché. Ah ouais, maintenant c'est elle qui va aller te brancher alors que c'est que tu es mon meilleur ami d'enfance. Je te fous de ma gueule en fait. Et pourquoi ce serait moi qui partirais la brancher alors que tu es mon meilleur ami d'enfance? Parce que tu as trop faim, tu es un dalleux. Tu as trop faim? Ouais, tu es un dalleux. Il est trop fan de quoi? Ah, de sexe? Ben, quoi, que tu peux... Porte tes couilles et dis-moi-le une bonne fois pour toutes que tu l'as fait, c'est tout. Et tu aurais le réglé. On s'appelle plus ni rien du tout. C'est fini. Tu vas trouver un meilleur ami que moi. Non, mais en fait, c'est pourquoi je rigole depuis tout à l'heure. Parce que ce qui me ferait, c'est que tu m'appelles, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait un an que je t'aurais dépassé, et tu m'appelles encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour savoir la vérité. Eh ben, tu ne m'as jamais avoué. Tu m'aurais avoué, je t'aurais plus appelé. Avoue-le, je t'appelle plus, tout simplement. Bon, ça va, ouais, c'est bon, j'ai couché avec ta copine. Ça se fait quoi maintenant? Eh oui, ça y est. El raton, comment on dit raton? Ah, je sais plus maintenant. El raton. Ah, raton. Salut, c'est Mickaël raton. C'est qui là? C'est Mickaël. Mickaël qui? Bah, Mickaël de Mickaël. Mais qu'est-ce que vous avez avec cette obsession avec absolument vouloir prendre une famille? C'est un truc de ouf quand même. Allô? Mais c'est qui ça? Bah, c'est Mickaël. Mais Mickaël qui? Mickaël. Bah, Mickaël. On fait du reggaeton. Voilà. El patron. Bon bref, on t'appelait, t'es en direct sur Fun Radio, on t'appelait avec Samy, il voulait absolument que tu lui avoues. Alors ça fait 15 fois qu'on lui a dit que ça servait à rien, mais il voulait absolument t'appeler en direct pour que t'avoues devant tout le monde que tu t'es foutu de sa gueule avec sa meuf, voilà, l'affaire est pliée. Donc tout ça pour ça. Ouais. Voilà. Voilà, tout ça pour ça, ouais. C'est pour soulager sa conscience. Il ouais, est en paix avec ouais, lui-même au moins, maintenant. Au moins maintenant, je suis soulagé maintenant. Ratton. Voilà. Ça servait à quelque chose. Exactement, oui. Bah écoute, si tu es soulagé, tant mieux. Maintenant, voilà, efface mon numéro. Voilà, maintenant, on va bien te faire enculer, petit PD. Voilà. Voilà. Et ta meuf, elle était super bonne et je l'ai niqué dans ton lit. Voilà, mon pote. Ouais, mais dès que je vais te croiser, je vais te niquer dans ton lit, moi aussi. Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. 810. Je trouve qu'il y a trop d'amour dans cette émission. Ouais, non, là par contre, ouais, effectivement, ouais. Bon, allez, de toute façon, vous avez dit que vous allez vous séparer, bons ouais, amis, hein. Voilà. Séparons-nous, bons amis. Voilà. Allez, bonne nuit. Allez, El Raton, bonne nuit. Et puis, Samy, bah voilà, comme ça, t'as eu ce que tu voulais, hein. Voilà, on a voilà. Eu ça. Et bah, nous on t'aime, Samy, on est des potes nous. Mais oui, évidemment, tout à fait. Moi aussi je vous aime, Sale Radio. Ah, allez, c'est gentil beaucoup. Je crois que t'as dit Sale Radio. Mais il est con lui. Bon, très radio. Bien. Bon ben bah, merci en tout cas Samy, passe une bonne soirée. Hein. C'est possible de faire une petite dédicace? Allez, vas-y, à une seule personne, vas-y. À ton ex, non? Ouais, à ton ex. DJ, mon meilleur collègue. Très bien. Ah bah t'as un nouveau du coup, forcément, ouais. Bah ouais, parce que bah forcément, c'est le deuxième qui est passé premier. Bah du coup, ouais, c'est ça, il a perdu une place, quoi, c'est très bien. Mais bon, lui, c'est un bon, mais c'est pas comme lui. Ah oui, c'est ça, oui. Bah écoute, j'espère en tout cas. Samy, passe une bonne soirée, bonne nuit, merci d'écouter Fun, à bientôt. Aussi. Salut, salut, allez. Ciao, bye bye. Et puis on va s'écouter maintenant ceux qui ont fait du plagiat sur la musique de Polo. Hein. Écoutez. Écoutez ça, c'est honteux. C'est pareil, une honte. Une heure et demie du mat sur Fun, on est toujours en direct jusqu'à 2h. On va encore faire des appels avec Tof dans quelques minutes. Et puis on va récupérer Valentin qui se branle 4 fois par jour et il n'y a plus rien qui sort, ça m'inquiète. On en parle après. Bizarre, ça. Tout ça. Le son de New World Sound avec The Flute à l'instant sur Fun Radio, 1h33 du mat. On est toujours en direct avec Tof. Petit enculé. Exactement, qui va encore faire quelques petits appels. Suce ma bite. Oui, par exemple, je sais pas très bien sur qui on va tomber, mais en tout cas, c'est sûr, on va tomber. Voilà, bon, on va récupérer également dans quelques minutes Valentin là, qui a des problèmes d'éjaculation. On aura Gilou pour son anniversaire. Mais avant cela, nous allons encore faire un petit appel pour savoir si les gens ont déjà fait des sextapes, en fait, tout simplement. Mais oui, allons-y. Alors, c'est parti. On est tombé sur quelqu'un de très charmant tout à l'heure. Hein. On va voir sur qui on va tomber maintenant, mais... Oh, ça peut être que dans la même lignée. Hein. Enfin, j'espère. Voilà. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Oh merde, c'est Fun Radio. Pas du tout. C'est qui au téléphone ? Moi, c'est Tof. Oh merde. Et donc pour le film ? Non. Jamais ? Non. Même pas une petite fois avec le téléphone ? Non. Bon bah tant pis. Et si on le faisait à deux, peut-être qu'on pourrait se filmer ? Peut-être. Ah peut-être. Comment tu t'appelles ? Charlotte. Et combien mesures-tu, Charlotte ? 1m62. Combien pèses-tu, Charlotte ? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine, Charlotte ? 85D. D comme Denise ? B comme, comme Bernard. Ouais, ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 34. Bon bah, Charlotte, on peut se rappeler ? Oui, pas de soucis. Bon, écoute, Charlotte, je t'embrasse, on se rappelle. Bisous, merci. Je te kiffe, Charlotte. Oh. Oh quelle horreur! Ah, on les a reçus en pleine figure là. Oh, c'est dégueulasse! J'ai envie de vomir. Franchement, je préfère encore voir un film de cul dégueulasse. Ouais, sale, que d'entendre ça là. Ouais. C'est une horreur. Et bah, c'est une bonne soirée. Ouais, c'est une bonne soirée. Bon, on en fera l'autre, tiens, t'inquiète pas, on va les faire dans quelques minutes les autres appels. Tous les messages encore, hein. DJ Alexis qui dit trop sympa ce son, mais Polo devrait demander un droit d'auteur quand même. C'est sa flûte, c'est vrai. Magdalena qui dit c'est sûr que se masturber 4 fois par jour, au bout d'un moment, il y a plus rien qui sort. Laisse un petit peu le temps de se reposer, le pauvre. DJ LK aussi qui dit vous êtes des fous Mickaël. Ah, ce soir j'avoue qu'on est tombé sur des bizarres. Hein. Clément qui dit putain cette émission commence à partir en sucette, enfin en couille même. Et Olivier qui dit putain vous me tuez avec vos conneries, je vais finir par crever à force. Et Let's Be Freaks qui dit ah merde, je vais me faire pipi dessus. Ah classe. Bon allez, on va prendre maintenant notre ami. Alors j'ai deux stars au standard, je peux pas prendre. Bah pile ou face. Alors pile ou face. Bon Camille qui est avec nous, tu prends pile ou tu prends face ? Face. Face ? Quand elle parle, parce qu'elle a une tête et machin, elle est très féminine, très très très fille. Mais quand elle parle, Je vais faire des efforts. Alors vas-y, essaye. Faire part. Passagedudésir.fr, je pensais que c'est elle qui allait le dire. Bah non, mais justement. Ah. Faire part, passagedudésir.fr. Non, c'était mieux tout à l'heure. C'était mieux tout à l'heure. Bon, allez, je lance la pièce. T'avais dit quoi ? Face. On fait quoi avec face en fait ? On prend face Gilou. On prend Gilou face. Gilou face. Bon alors on va commencer par Gilou. Gilou. Oui, Mickaël. Oui. Ah, comment ça va Gilou ? Oh, très bien, j'ai mal aux dents. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Donc t'as pas mal au cul. Oh, tu t'es fait un peu enculer. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe Gilou alors ? Oh, Gilou, il s'emmerde. Oh, mais non ! Mais ouais, Gilou, en plus j'ai une fille à te présenter. C'est pas vrai. Mais si, mais une magnifique demoiselle, elle est avec nous, elle s'appelle Camille. Bonsoir, Gilou. 1m62 ? 76. Oh. Alors, je te laisse avec elle. Attention, elle la casse pas. Hein. Ah bah non. Hein. Et t'as sorti le père de tes gosses ou pas ? Ben, je vais peut-être obligé. Ah bah vas-y, Gigi, fais-toi plaisir. On va essayer de faire pleurer le gamin. Ben. Quelle horreur. Bon, Gilou, je te passe Camille. Camille ? Oui. tu bois au biberon? Plus maintenant. Hein? Plus maintenant. Bonjour. Ça va, Camille? Très bien, et toi? Oh, très bien, oui. Tu seras plus près de moi, ça sera beaucoup mieux. Ah, oh, c'est gentil. Oh. T'as de beaux yeux. Mais bah, tu sais pas aller au téléphone, Gilou. Oui, merci. Non, mais c'est vrai. Un mètre, t'en pas compte, dis donc. Dis donc, t'as une belle poitrine et tout. Devine. Non. Qu'est-ce que t'aimes bien, Gilou? Je te laisse imaginer. Oh, moi j'aimerais lécher ce sein. Ouais, non, mais d'accord, mais... Non, mais la taille, qu'est-ce que t'aimes bien en taille de poids de... Bah, moi je fais 1m80. Non, mais on s'en fout. Non, j'ai une fille. Bah, moi j'aime bien... T'aimes bien quoi? Tout ce que petit est gentil, hein, aussi, non? Oui, non, mais d'accord, mais si c'est pas petit? Oh, ben bah, c'est grand, hein. Bah, c'est moi, merci, Gilou. Camille me va très bien. Hein. Comment ça? Camille me va très bien. Ah, très bien. Bon, en même temps, tu l'as rien demandé, donc tant mieux. Hein. C'est la principale. Hein. Continuons dans l'imagination, ça sera mieux. Bon, du coup, bon, ben voilà. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te présente plus? Enfin, en même temps, j'ai rien à faire. Hein. C'est toi qui dois tout faire. Là, je demande si elle est disponible. Bah, évidemment, t'es disponible, Camille. Ah, bon, ben, bien sûr. Ça dépend. Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes, Camille? J'aime quand ils sont gentils. Ah, c'est mon cas. Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils sont rigolos. Tout à fait. Oh, arrête, tu me fais manger, rigole tout. Ah ouais, déjà. Ouais. Ah, attends, parce qu'il y a Gilou qui a une question pour toi. Oh, ah. Tu aimes le sperme? Oui, surtout au petit-déj. Ah, elle aime bien au petit-déjeuner. Le croissant, le sperme, oui. Oui. Ah, attends. Oh, écoute. Oh, c'est méchant, ça. Mais Gilou, t'es où, là? Tu fais quoi là? Le bah, père. Devine. Il est où le père de tes gosses? Fais-nous entendre le père des gosses là. Oh non. Quand allez, vas-y, bah, Gigi, on est entre nous là. Ah, il faut que je me mette debout. Mais t'es comment là? Tu peux pas te branler assis? Ah voilà. Je te sucerai les seins. Ah oui, je te sucerai les seins. C'est bien comme ça, aura une variante, c'est cool. Et bon. Je te prendrai le clitoris et tout. Clitoris. Oh, Camille, aide-moi, Camille. Aide-moi. Oh. Vas-y. Respire. Ah bah respire, hein, t'inquiète pas, tu revis. Hein. Mais c'est vrai que, Gilou. Ouais. Bon, t'as pas la chance de la voir en face de toi comme moi, mais. Bah ouais, mon non, mais, frère. Non, mais. Tu lui fais de l'effet. Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est vrai. Ah oui. Elle est bouillante. Mais c'est parce qu'elle est timide. Tu sais, c'est la première fois qu'elle passe en radio. Elle est un peu timide, donc. Faut pas moi la... aussi, et puis en plus. Ah, toi aussi, bah, ça s'entend pas comme ça au premier abord. Mais... En plus, j'ai mal aux dents aussi. Moi. Ah, t'as mal aux dents? Bah, quel rapport? J'ai mal d'amour, enfin. Mal d'amour, mal aux dents, bah oui. Aux dents, ouais. C'est bien connu. J'ai pas mal au cul, ça va. C'est déjà ça. Ouais, bah si t'as pas mal au cul, c'est principal. Bon, dis-nous, j'ai une deuxième surprise. Oui. J'ai Jean-Pierre Sauzère avec nous, là. Jean-Pierre! Ouais. Comment ça va, Jean-Pierre? Bah ça va, mais écoute, t'es un petit malin, toi. Parce bah, que pourquoi? Moi, je t'ai appelé sur ta ligne directe, c'est bien le 01 40 47. Mais non, mais... Ouais, je sais, c'est le numéro de la contact appelé tout à l'heure, là, ils m'ont laissé un message. Comptabilité, mais non, c'est toi. Alors, mais moi, non. Je veux dire, tu devais me mettre sur iTunes, tu ne l'as pas fait. Mais alors, après, alors, attends, Jean-Pierre, je vais dire les choses. Son ça téléphone fait... Attends, attends, hey, son téléphone. Je vais te dire, Jean-Pierre, ça fait maintenant un mois qu'on essaye de mettre sur iTunes l'application Mickaël No Limit. Et à chaque fois, c'est refusé pour une connerie. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain sur iTunes. Il faut demander aux Américains. Il faut aller en Californie, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça va se faire. Ça va se faire. Bah, il faut que tu appelles Vincent pour ça, il m'a dit. Non, mais d'accord, mais je vais l'appeler, mais ça va se faire, justement. Bon, donc Jean-Pierre Sauzère, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chanteur de cette chanson. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou, me veut sur. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle chanson. Et puis il y aura ce super disco aussi qui va ressortir en version remasterisée. Ouais, mais j'ai déjà une deuxième version de Super Disco. Là. Ah oui, mais il faut l'envoyer alors. C'est. Oui, Vincent qui l'a. Vincent qui l'a. Bon, écoute, je vais demander à Dexter, au stagiaire, là, le stagiaire au standard, pour qu'il puisse nous avoir, enfin, qu'il puisse demander à Vincent pour la chanson de Super Disco, la remasterisée. Ouais, j'ai même Echo de Rock et je cherche un producteur. Très bien. Hein. Ouais, parce qu'il a une chanson qui s'appelle aussi Je cherche un producteur. J'avais passé même avec Max au format. Non, bah voilà, on va la mettre. Et puis je rappelle également, il faut aussi que tu nous refasses la chanson La fête de la musique le 21 juin. Hein. Bah oui, ouais. Ah oui, ça, c'est obligatoire. Et en fait, t'as pas de nouvelles de Zibut ? Bah non, il devait passer ce soir, on l'a vu tout à l'heure à la cantine et je pense qu'il a pas pu venir ce soir, mais on va le faire la semaine prochaine, t'inquiète pas Jean-Pierre. Ouais, j'aimerais bien être programmé sur RTL2, Zibut Radio. Ouais. Je sais, ouais. Tu peux me faire programmer sur notre radio. Bah écoute, je vais essayer si tu veux. Non, parce que je veux pas ramer comme pendant 10 ans que j'ai ramé, tu vois. Mais je sais Jean-Pierre. Mais t'as une belle barque, une bonne barque pour ramer, oui, ans, bah évidemment. Ouais, bien sûr, non, mais c'est pas marrant, les années passent, tu vois. Mais oui, je sais bien, bah je sais bien, mais on rigole pas non plus. Jean-Pierre. Un producteur, d'accord, mais bon, j'attends le contrat aussi. Jean-Pierre. Ouais. Bon, est-ce que tu chantes avec nous bon anniversaire à Gilou ? Ouais, ouais. Bon, allez, on y va. Attention. Bon anniversaire. Allez, on y va. Pour Gilou, attention. 3, 4. 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Gilou. Joyeux anniversaire, Gilou. Pervers. Joyeux anniversaire. Attention, en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Gilou. Happy birthday to you. Gilou, oh, on est pas mal. De comment, Gilou ? Merci. Bah écoute, de rien, écoute avec plaisir. Et merci à Jean-Pierre Sauzère d'avoir chanté bon anniversaire. Et son sifflement. Et le sifflement du téléphone, effectivement. Bon, bah merci Jean-Pierre, on te rappelle de toute façon la semaine prochaine. Alors soit dimanche, mais je suis pas sûr de voir Zigu d'ici dimanche. Non, mais pour Tunès, il faut s'en occuper assez vite. Et ouais, mais je sais, mais là sincèrement, je vais te le dire, j'aurai pas le temps de m'en occuper parce qu'on part à Montpellier ce week-end. D'accord. Donc je vais vraiment travailler sur iTunes lundi, hein, normalement. Il faudra que tu me files ton portable. Hein. Ouais, bah d'accord, ouais, ok, sûr. Mais on va le lancer, y a pas de problème. Voilà. Je te renvoie chez Sandro là et puis on va gérer ça. Bah ouais, tu dis à Sandro comme tu ton portable. Puis voilà, bah, d'accord, je lui donne. Bah attends, je te donne le numéro. Voilà. Tu notes ? Comment ? Je dis, je te donne le numéro. Oui, bah pas en direct. Mais non, vas-y, note là, c'est bon. Non, c'est une connerie, je veux pas noter. Mais non, regarde, je te prends en antenne. Ouais. Attends, je te prends en antenne. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, donc je te prends en antenne, Jean-Pierre. Alors, tu notes ? Donc 06. 34. Mais non, Jean-Pierre. 06 34. T'as quoi comme téléphone? Ouais, il prend que les lignes fixes peut-être. C'est possible aussi. Bon, allez, Gilou, merci beaucoup en tout cas. Non, c'est voilà. Bon, merci les gars. Comment on fait avec Camille? Alors, 06 34. Oh, je voudrais bien la voir, qu'elle m'envoie une photo. 72. Tu veux une photo? Oui. T'as pas de mail, ouais. Gilou? Non, bah... Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux pas t'envoyer un pigeon voyageur? Non, mais... hors antenne, je viens vous parler si vous voulez. Ouais, d'accord, mais comment tu veux qu'on envoie la photo? Parce que ça me ferait... Il vous dira pourquoi après, mais hors antenne. D'accord, ok. Bon, non, alors non, très bien. Vrai, tu me passes la petite, là. Très bien, oui. Très bien, pas de problème. Regarde, elle va te dire au revoir, Gilou, avec sa voix sensuelle. Ouais. Si tu veux me faire un petit cadeau, mais pas grand-chose, simplement un petit truc. Une petite pipe. Pour avoir un petit souvenir, quoi. Ah, de l'émission? Bah oui, évidemment, Gilou, évidemment. Alors, tu sais quoi, on va t'envoyer une carte postale où il y a la tête de Sandro, tu pourras... Je t'en enverrai une. Tu pourras les coller. Oui. De père non, de tes enfants. Non, parce que je peux te dire, je vois pas, alors. Ah, d'accord, ok. Donc, alors, pas de carte. Bon, bah, très bien. Alors, c'est pas grave. Je peux toucher. Oui, on a bien compris que tu pouvais tout toucher, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Bon, Gilou, je te renvoie chez Sandro. Ouais, ok. Salut, hein. Ok, salut, merci. Hein, salut Gilou. Et bisous à tous. Ah bah bisous à toi Gilou, et puis bon anniversaire. Ah t'as vu, t'es pas déçu hein, notre amie Camille n'est pas déçue du tout. Je m'y attendais pas. Ouais. Non, bah ouais, c'est une surprise comme ça, c'est personne s'y attend jamais. Hein. On va te laisser le numéro et tu prends le rappel. Ouais, oui, je le rappelle. Mais j'espère. Bah, Camille, bah, tant mieux. Camille a de belles dents. J'aime beaucoup. C'est l'appareil dentaire, ça sert. Voilà. Ah ouais, je crois qu'elle lève encore. Ça va, c'est plutôt du sérieux, ça se voit pas trop. Bon, on va se faire le son de Katy Perry maintenant, Walking on Air sur Fun Radio. Et puis juste après, ah bah promis, on va récupérer Valentin et on va également bah faire les appels encore avec Toff. Mais quand tu veux. Allez, après Katy Perry sur Fun Radio. Katy Perry sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez là, c'est Mickaël No Limit, il est 1h51. Il y a un nouvel auditeur, encore un Canadien là qui vient d'arriver, c'est Félix Billet hein, qui vient d'arriver là, il est du Canada, oh, donc c'est très bien, bah, bienvenue de plus en plus nombreux à nous écouter du Canada. Hein. Vous êtes un sacré petit galéron. Ah oui, effectivement, hein, effectivement. Bon, vous êtes tous les soirs de plus en plus nombreux à switcher la radio et débarquer sur le sur Fun Radio. Il y a Moulou qui dit l'émission est juste énorme ce soir et Toff qui donne le numéro de la ligne anti-relou. De rien. Et Benoît qui dit ouais, joyeux anniversaire à Gilou. Oh putain, il faut que Jean-Pierre chante joyeux anniversaire à Gilou. Ben c'est fait. Hein. Daoud Douida qui dit au plus c'est dégueu, au plus c'est bon. On se marre trop quand il y a des cons, c'est trop marrant. Vous montez en puissance. Et Rekik qui dit waouh les mecs, sachez que c'est la première fois que je vous écoute et que je peux plus vous quitter. Ah bah écoute, bienvenue. T'es tombé sur une émission complètement barrée ce soir. Mais on essaie de faire à peu près comme ça chaque soir. Donovan qui dit je vous kiffe les amis, que des bars avec vous. Et Hugo Réo qui dit aussi Camille va bien mourir, l'apocalypse commence. Ouais, bah elle est en love là, elle est in love, hein Camille, elle est in love là, c'est-à-dire que je suis totalement amoureuse de lui. Voilà, elle a déjà fait avec les doigts le petit cœur et tout là, c'est une grande histoire qui va commencer. Je te suis très laissant. Mais oui, tu verras. Bon, on va faire des appels encore avec Toff là, parce que du coup on n'est pas en avance. Allons-y. Allez, toujours pour savoir si les gens se sont déjà ont déjà fait une sextape, se sont déjà filmés en train de faire l'amour, donc on y va, on appelle depuis tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de réponse, je dois bien l'avouer. Et puis je suis très déçu. Ouais, et on récupérera Valentin aussi dans quelques minutes. Là, bougez pas sur Fun Radio, 1h53. Allô ? Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. C'est quoi cette connerie ? C'est une connerie, monsieur, c'est une question. Non, mais t'es qui déjà pour m'appeler en numéro privé, me poser une telle question sans te présenter ? Pardon, je m'appelle Toff, monsieur. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Non, mais vas-y, explique-toi un peu mieux encore. Bah rien, je veux juste savoir si vous êtes déjà filmé en faisant l'amour. Non, mais question à la con, quoi. Je suis en train de bosser, mon pote, là. J'ai pas le temps de déconner, moi. Bah, vous pouvez juste répondre à la question, monsieur. Non, mais j'ai pas envie, tu vois. Bah, c'est pas gentil, ça, monsieur. Bon. Ouais, c'est pas sympa. Bon, t'oublies le numéro et puis t'évites de me rappeler, ça serait sympa. Je te souhaite une bonne soirée, hein. Et puis branle-toi bien, garçon. Allez, bonne soirée. Branle-toi bien Gaston. Eh hey Gaston. Ouais. Bon, on rappelle. Attends, on va le rappeler encore un coup. Hop. Attends, merde. Allons-y. Ouais, bah attends. Merde, je l'ai plus sur la ligne là. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On appellera un autre moment. Pas grave. Bon, on appellera un autre encore d'ici quelques minutes. Et puis il y a Valentin également qui est avec nous là. Salut Valentin. Salut. Aïe, Valentin, donc du Calvados. Ouais. Bon, alors Valentin, pour ceux qui étaient pas là, parce que ça me saoule un peu de chaque fois tout répéter, qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait je me branle 2 à 3 fois par jour. Ouais. Et bah à la fin j'arrive. Comme Gilou quoi. Ouais c'est ça. Mais t'as quel âge? 19 ans. Non, je te redonnais beaucoup plus. Oui, j'ai un gros problème avec ma copine, c'est compliqué. Ah parce que bah attends, je comprends pas, t'as une copine mais tu te branles 4 fois par jour? Bah non, en fait j'ai fait un. Je l'ai tué en fait, elle est dans le frigo, donc c'est pour ça on l'a plus. J'arrive plus à lui faire l'amour quoi, ça rentre plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'es horrible. Ouais, là c'est dégueulasse. Je peux pas là. Il y a un moment je peux pas. Bon, musique d'à propos. Alors. Valentin. Oui. C'est quoi le problème avec madame? Elle est sous le plastique là. Elle veut pas que vous fassiez l'amour. Elle veut plus quoi. Ah pourquoi elle veut plus? Je sais pas. Je me suis dit putain pourquoi t'as posé la question avec tes complètement con. Bon mais il y a une raison, vous en avez parlé quand même, non? Bah elle veut pas en parler en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas. Est-ce que t'as voulu forcer un peu le passage? Ah j'ai essayé un coup. Allez, la boîte à caca, t'as voulu. Oh pardon, c'est Toff. Dis donc. C'est ça non? Toff. Quoi? Toff. Putain. Ah. Attends. Arrête d'être vulgaire comme ça. J'aurais pu demander s'il avait essayé de lui défoncer le cul. Non, ça ira. Enfant de putain là. Qui a dit ça? Bon Valentin, t'as 19 ans, elle a quel âge? 23. 23, d'accord, ok. Et elle est encore pucelle ou pas? Non. D'accord, donc elle veut pas avec toi, mais donc ça doit être un autre problème que ça, hein. Elle a jamais voulu ? Si. Ah, elle a déjà voulu. Vous avez déjà essayé ? Ouais, ben on a essayé une fois, elle est mal, quoi. Bon, qu'est-ce que t'as fait ? Réexplique. Bah, en fait, au début, on s'est rencontré et tout, voilà. Non, j'ai compris. Comment, qu'est-ce que t'as fait, quoi ? Bah, en fait, on a voulu faire l'amour un coup, puis bah, tu vois pourquoi, elle a eu mal et... Ouais, mais... Bah, et moi, j'y suis allé comme un bourrin, hein ? Bah, j'ai tapé allez, dedans. C'était vert, c'était vert ! C'était vert ? Bon, t'as eu la voix de Gilou là. Mais tu dis que ça a fait mal, donc vous avez arrêté. Ouais. D'accord. Et depuis, plus rien. Mais tu l'as préparé avant ou pas ? Non. Ah bah voilà. Attendez, mais Gaston, votre délire là, il a pas parlé que c'était une, il a pas dit que c'était une pénétration anale. Et alors même ça se prépare. Bah, non mais d'accord, mais là on a l'impression voilà. Non mais attends, c'était ça. Gaston, explique nous. Bah ouais. Si tu la prépares pas, si elle est pas lubrifiée, ça rentre pas. Ah oui. Non mais d'accord, mais t'as fait ça comment ? Il y a eu quand même du préliminaire ou pas ? Un petit peu, ouais. Bon genre quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah moi j'étais un peu, j'ai fait un cunnilingus. T'as fait un cunnilingus ? Ouais. D'accord. Et elle a bien aimé le cunnilingus ou pas ? Ouais. Mais genre ouais comment ? Bah je vous sais un peu, puis bah après. Non, mais pas trop. Non, la vraie question c'est quand tu lui mettais des doigts à l'intérieur, est-ce que ça glissait ou pas, c'est tout. Ouais, ça passait bien. Bon. Ça passait bien, ça passait crème. Ouais. D'accord, ok. Bon. Bon, ok, d'accord. Et toi t'avais le braquemar, tout allait bien toi ? Ouais. Ok, d'accord. Bon. Et au moment de la pénétration, ça c'est pas rentré ? Non. D'accord. C'est bizarre ça. Et tu lui en as pas parlé ? Tu t'es pas dit tiens, on va en parler pour voir ? Non, non. Bah j'ai essayé, elle a pas voulu quoi. Elle a pas voulu en parler ? Non. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait 7 mois. 7 mois, ouais. Et vous avez essayé de coucher ensemble quand ? Il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi. Et depuis vous êtes plus vu ? Non. Ah bah oui mais... Depuis vous êtes plus vu du tout ? Non. Ah, donc c'est plus ta meuf ? Non. Ah bah voilà, mais c'est quel pour, problème. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution alors qu'en fait il n'y en a pas à trouver puisque c'est plus ta meuf. Et Gaston, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah bah Gaston, il en pense quoi lui ? Bah moi je pense qu'à un moment faut passer à autre chose. Ouais, je pense, ouais. Mais le problème en fait, parce que c'est vrai qu'on a dévié, mais ton problème c'était pas que t'as pas réussi à pénétrer ta meuf, c'est que tu te branles 4 fois par jour et qu'il n'y a plus rien qui sort. Ouais. Ce qui somme toute est normal. Ouais. Tu vois, en fait c'est un peu. Alors je vais reprendre un exemple, mais. C'est un yaourt quand tu manges. Non mais c'est vrai, je vais reprendre un exemple, tu t'as une voiture. Tu roules. Si tu me plains, ça avance plus. Ouais. Bah c'est pareil. D'accord. Oui, bah c'est oui, normal. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut laisser recharger la batterie, le pistolet, la citerne, enfin t'appelles ça comme tu veux, le réservoir. Enfin faut en remettre dedans quoi. Voilà, c'est ça, et voilà. Parce que regarde, ce que tu vas faire, c'est que pendant une semaine, tu vas pas te branler. Ah bah après, je peux te dire, ça va être le feu d'artifice. Bien, et comme ça, au moins, tu pourras reprendre le mur de ta chambre. Ah merci Toff okay. Pour cette. Voilà. Mais c'est tout, hein, sincèrement, s'il n'y a rien qui sort, c'est parce que tu te branles trop de fois, mec. Hein. Ouais, c'est tout. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mais voilà. C'est pas grave. Hein. Et si t'avais une meuf et que tu la baisais 3-4 fois par jour, t'auras le même problème. Exactement. Enfin, si t'arrives à rentrer dedans. Mais voilà, Valentin. Ok. Bah écoute, nous, si on peut rendre service, toujours avec plaisir. Hein. Ok. Bon voilà, tranquille. Bon bah salut alors. Hein. Ouais, je peux faire une petite dédicace. Bon bah vas-y, t'auras gagné ça au moins. Une seule personne, hein, vas-y. Ok, bah ma chérie Chloé que j'aime tout mon cœur. C'est qui la chérie Chloé ? C'est une copine que j'ai retrouvée il y a 2 jours. Ah, donc pas celle, pas l'autre ? Non. Ah bah va être contente. Très bien, parfait. Eh bah écoute, on l'embrasse aussi alors. Salut à toi, merci d'écouter Fun Valentin, à bientôt. Hein. Ok, salut. Salut, ciao. Bon bah voilà. Allez, on se fait encore un petit appel, un petit dernier là, oui, avant de partir. Soyons fous. Allez, hop là, c'est parti. Direction je ne sais où, toujours pour savoir s'ils ont déjà fait des sextapes. Voilà. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour à votre mari. Ça vous regarde pas. Ah. C'était rapide. Et rapide et sans insulte. Ah ouais, c'est vrai. Attention. On rappelle. On retourne chez cette dame. Chez monsieur. C'est pas parce que c'est marqué inconnu sur le téléphone, j'ai les moyens de savoir qui c'est, hein. Oui, d'accord, mais vous pourriez répondre à la question, on gagnerait du temps. Allô. Allô, on est parti, nouveau. Attention, on appelle masqué, peut-être démasqué. Oui, bah je sais maintenant. Je tiens à le rappeler. Voilà, c'est ça. Bon, bah très bien. On va faire le top tweetos également là maintenant. Hein. Allons-y. Attention, je rappelle que c'est le sixième qui gagne le sextoy ce soir. Et donc, on va faire le top 6 du coup. Hein. Numéro 1. Alors, numéro 1, le prince Nadia. Non, ah. Let's Be Free a laissé sa place. Ouais, mais attends, parce qu'il y a un petit erreur. Bug. Ouais. Non, c'est pas un bug, c'est une petite erreur. Ah, une petite erreur. Alors, numéro 1. Attends. Oh là là. Alors, oh une là. Seconde, tu me prends en dépourvu. Bon, là. En attendant, il y a le prince Nadia qui dit aussi, j'adore la comparaison avec les voitures de Mickaël. Bah oui, écoute. Magdalena qui dit, on a voulu faire l'amour un coup. Lol, j'adore comment il parle, Valentin. Il y a Césaire aussi qui dit, hey Gaston, branle-toi bien, mort de rire, c'est n'importe quoi. Et Audi aussi, vous émettez en Nouvelle-Calédonie. Ah bon, mais tu écoutes par internet ou t'écoutes avec une... Est-ce qu'il y a Fun Radio en Nouvelle-Calédonie? Non, parce que c'est bien de nous faire aller à Nancy à Montpellier, mais bon, il y a un moment... On peut faire recommencer. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, il faut pas oublier ces gens. C'est pas parce qu'ils sont coincés sur une île... La Martinique, la Guadeloupe. La Martinique, tout ça, mais on vient à la Martinique. Hein. On vient tester le rhum et tout, aucun problème. Alors là... aucun souci, hein, vraiment. Hein, Sandro? Ah bah avec plaisir. Ah bah hein. Direct, oui, alors, avec plaisir. Hein, on fera un foot là-bas. On va, alors, dit-elle avec plaisir, hein, Nouvelle-Calédonie. Ouais, bon, on part à Montpellier demain, hein, on part en avion. Ah oh, non, pas l'avion. Oh non, j'aime pas l'avion. Ah, vous allez me supporter demain. L'hôtel va en Nouvelle-Calédonie, il y a 24 heures de vol. Ouais, mais est-ce que je réfléchis jamais au fait qu'il faut prendre l'avion? Non, mais il n'y a pas qu'à ça sinon, que je réfléchis jamais. Hein. T'as fait ta valise ou pas? T'as fait ta valise ou pas? Non, j'ai pas fait ma valise. Ah bah voilà, très bien. Je te rappelle qu'on décolle dans 10 heures. Je sais. Voilà, très bien. Et là, il faut encore que tu termines l'émission. Que tu rentres chez toi, que tu fasses la valise, que tu essaies de dormir, que tu te réveilles, que tu te relèves, que tu te prends la douche, que tu reprennes le transport pour arriver jusqu'à la radio, qu'on prenne le téléphone. Enfin, bon, bref, alors que Gaston, il va même pas changer son slip, il s'en fout. Alors que Gaston, il va arriver en mode dégueulasse, et il s'en branle. Rien à foutre là et tout. Ah oui, rien à foutre. Bon, est-ce qu'on a le résultat du top tweetos? Bien sûr. Alors on écoute, numéro 1. Let's Be Free. Ah, il me semblait bien, je m'étais inquiété. Les choses rentrent dans l'ordre. Numéro 2. Cédric. Tu fais ce que tu veux. Numéro 3. Fabienne. Numéro 4. Benoît Bebe. Numéro 5. Le prince Nadia. Ah, ouais, 5ème. Et numéro 6. Magdalena. Eh ben voilà Magdalena qui vient d'arriver en plus, une nouvelle auditrice là qui repart avec son sextoy offert par. Passage du désir. Attends, parce qu'il y a la voix féminine qui était. Bon, elle était pas prête. Allez, vas-y, d'abord la voix du mec, vas-y, offert par. Passage du désir.fr. Passage du désir.fr. Ah, mais ça va, il y a de l'effort. Il y a encore du travail à faire, mais il y a de l'effort. Ça a mis la gaule à JB déjà, ça lui mettra une bonne émission. Et c'est qui bande le salopard? Oui, espèce de JB bande. Bon, allez, merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir à balancer tous vos messages hein, sur Facebook et Twitter. Giovanni, il y avait Hugo Rayo, il y avait le prince Nadia, il y avait Papa Scandi, il y avait Kassem Cassis, le prince Nadia, donc Stéphanini, Benoît, il y avait Alexandra, il y avait Don Gomez Correa, il y avait également Valentin, il y avait qui l'autre encore aussi, Audi, il y avait Pascal, GTR, Nathan, il y en avait plein également, là, et plein de nouveaux aussi, plein de nouveaux auditeurs qui sont arrivés grâce à Kylian alias Drac là, qui écoutait notre radio et qui s'est enfin rendu compte qu'il y avait mieux. Mais c'est vrai, je prends toujours l'exemple de ce yaourt, mais si vous prenez un yaourt d'une marque blanche et que vous n'essayez pas une autre marque afin de voir si c'est meilleur ou pas, ben vous allez vous dire que la marque blanche est bonne alors qu'en fait c'est dégueulasse. C'est vrai. Non mais ça, c'est vrai. C'est la différence entre le. Tu sais, comment on appelle ça? Le produit blanc. Le discount. Oui exactement, voilà. Le hard discount et le high level. Le high level. Exactement, voilà. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dimanche en pleine forme pour ceux qui ne sont pas sur Montpellier. Dimanche en pleine forme à partir de 20h depuis les studios de Fun Radio à Montpellier, donc sur la place de la Comédie. Et puis évidemment, demain on se donne rendez-vous bien entendu sur l'esplanade du lycée Joffre à partir de 17h avec plein de cadeaux. On aura des PS Vita à vous offrir. On va venir aussi avec les compiles Starfloor. On aura des places pour I Love Techno qui va s'arrêter également à Montpellier, non pas ce week-end mais le week-end d'après avec Fun. On aura des places pour vous donc samedi également. On ira faire un petit Soccer 5. Ce sera à Castelnau-le-Lez. Et donc si vous voulez venir jouer avec nous, vous êtes les bienvenus. Même jouer contre nous, vous êtes les bienvenus aussi. Sachez que nous sommes de grands footballeurs. Très grands. Je suis tacticien, attaquant, entraîneur et également gardien de but. Je rappelle la meilleure tactique de Mickaël. Les attaquants, vous attaquez, les défenseurs, vous défendez. Oui, mais franchement, quand t'es tacticien d'une équipe de bras cassés, t'es obligé de leur expliquer les bases. Ouais. Non mais c'est vrai. Parce que Gaston il fait le malin, mais ouais, il fait le malin. On verra Gaston sur le terrain Gaston. Ah ouais. Mais quand il sera sur le terrain, c'est surtout Polo qui arrive après deux longueurs. Deux. Alors attention, je vous rappelle, je vais dire les choses, les choses véridiques parce que c'était, je ne vais rien, je ne vais pas exagérer. Ah c'est vrai. Je n'exagère pas. Donc mardi, on a fait, donc je sais pas si vous avez vu, on a fait un petit teaser comme quoi on va à casser le Nolles là au Soccer 5. Et donc on a fait un teaser où on faisait style on joue au foot, vidéo, etc. Ouais. Une petite vidéo. Ouais. Et donc bah Polo a fait ça, il a eu le ballon, il a fait un dribble, deux dribbles, il a récupéré la balle sur la table. Nous étions dans un bureau, hein, pas sur un terrain. Dans les bureaux là-haut, là. Nous étions dans un bureau et qu'est-ce qui s'est passé? Il était mort toute la journée. Et puis après, là, dans l'émission, il était à moitié endormi. Il dit non, mais j'ai fait les efforts physiques aujourd'hui. je peux plus, là, ça m'a tué les efforts physiques. Je peux plus, vraiment, je peux plus. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point. Donc le Soccer 5 avec Polo, en fait, on sera 4 dans l'équipe. Ouais. Avec Sandro, on sera 3,5. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a que Toff et moi qui allons courir. Hein. C'est ça. Et il y a Pedro, le sous-chef, qui veut faire le malin aussi là, donc lui on va lui casser les pieds déjà. Il va couper les citrons. Mais la prochaine fois, venez, on fait un atelier peinture, c'est plus sympa. Mais oui. On le fera nu. Bah, on essaiera d'y penser alors à l'occasion plutôt. Hein. Donc voilà, donc Soccer 5 samedi à 16h à Castelnau-le-Lez. Et puis on va également bouffer juste après. Hein. Alors on sera là. En plus j'ai mis des gâteaux au chocolat dans le dessert. Hein. Attention. Ouais. Donc voilà, on ira bouffer. Donc si vous voulez venir avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. C'est Fun qui rack. Donc bah profitez, de toute façon ils sont blindés, donc saignez-les. Non mais c'est vrai. Attends. Entrée, plat, dessert, bien dessert, pousse café, dessert. Voilà. Café, on s'en fout de toute façon. Sans il y a le sous-sous-chef. Problème. Ben, le sous-sous-chef est là, il a la carte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, on va passer un bon week-end en tout cas. Et puis bah, si vous venez pas, bah, restez connectés sur le Facebook, vous verrez tout ça bien entendu. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? J'ai raté un truc. J'ai pas compris. Mais c'est Dove qui me regarde bizarrement. Tu dis que des conneries là. Tu dis que de la merde, Gaston. J'étais en kiff sur Polo et. T'as raison. Et attends, je me touche un peu là. Ah bah voilà. Oh, quelle horreur. Je sais que Polo aimerait bien qu'il se passe un truc entre nous, mais je le laisse. Vous êtes un sacré petit galéron. J'ai vu qu'avec Stéphane, il s'était passé un truc et voilà, je veux pas m'interposer là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, bon week-end. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Bon, et on allait quand même pas partir non plus sans dire bonjour à JB. Bah, hein, et le générique. Générique, je l'ai oublié encore. C'est une lui fois. Qui le réclame. On va le mettre, on va le mettre. Je l'ai oublié. Allez, le générique. J'y vais. Et après, j'ai un petit conseil sur Montpellier à vous donner. Ah fort. Mais on veut pas savoir. Ah si si. Non. J'ai très peur du conseil. Bon, alors tu chantes avec Polo. Non, bah, je la connais pas. Mais si. Ah bah, tu la connais. 4 mois et demi maintenant. T'es sérieux? C'est toi l'enculé. Ça va? Voilà. Et Camille, elle va chanter aussi ou pas la chanson? Mais si tu connais, allez allume ton micro là. Oh là là. Oh là, arrête de nous faire prier là Camille. Ah, là. Oh, c'est chanter. Bon. Mais t'inquiète pas, nous non plus hein. Okay. C'est la chanson de South Park, tu la connais quand même. Mais je connais que le début. Vas-y, lève-toi Camille, secoue-toi un peu là. Donc c'est ferme ta gueule de merde toi l'enculé. Tu suces des bites, Toff te suce, c'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux. Oui tous les deux. On est des enculés. Mais à un moment je sais pas tu me bites. Ouais. C'est où? Mais parce que c'est parce qu'en fait parce j'ai qu'en fait ouais c'est ça. J'ai voilà. Le retour du casque qui me. Ouais, ça doit être ça. Petit enculé. Non, tu connais pas. Allez, la c'est parti. On y va. Attention, j'arrête. C'est parti. Vous êtes prêts? Prêt. Attention. 3 4 Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, off te sucer, toi l'enculé. Il fait du playback, il est mauvais. T'as tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle, c'est l'enculé. Oh l'enculé. Tu bouffes ton enculé. Dormir, manger, toute la journée. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air bâtard. Petit enculé. Suce ma bite. Tu suces tes meurs. Et toi, t'es enculé, là. T'emmerdes, moi, enculé, va. Épilez vos poils de cul. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Sauf par à Montpellier. Attention, attention, le final. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. Polo est seul, hein. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi, toi ton oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Allez, nous, le mini-fait. Eh ben voilà. C'était quand même pas si compliqué que ça. Non. Ah si, ça a l'air d'être compliqué. Oh là hein, là, pour c'est la hein. joie là, les gars. Non non, mais il est content parce qu'en fait là, c'est il a le moment de polo. Ah, parce que là, il a dit en fait quand il est arrivé tout à l'heure, il m'a dit oh putain, ça me fait chier. Non. Je vais encore devoir mettre ces musiques de merde là toute la nuit. J'en ai marre. Et les mecs, ils font la prog, ils devraient changer. Et tout. Ils se rebellent. À l'époque, quand on l'a connu, quand on est arrivé, il m'a ouais, j'adore son. Mais il en a rien à foutre. Il est numéro 1 la nuit. Il en a rien à foutre. Depuis qu'il est numéro 1 la nuit, qu'il a fait 160% d'audience en plus, il en a rien à foutre. Il s'en branle. On dirait le stagiaire. Il est au téléphone, la stagiaire d'ailleurs. Ouais, mais il est au téléphone. Bravo. Il est au téléphone. Il appelle sa mère dans les dom-toms. Ouais, voilà. Auprès de la radio. Ouais, bravo. Ouais. Non mais bravo, non mais voilà c'est ça. Et puis en plus avec l'autre là, ils s'en branlent complètement là. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire tu peux arrêter de parler là s'il te plaît. Ah, c'est sur mon heure là. Ce matin il a fait commencer Bruno avec 5 minutes de retard parce qu'il voulait pas rentrer dans l'antenne. Non. Mais bien sûr. Putain. 8 minutes. 8 non. minutes, voilà, 8 minutes. La France. La France. D'ailleurs, c'est JB qui paiera les factures cette nuit. Hein? Non, nous on fait pas ce genre de truc, on fait. C'est du son dance floor. Ah, que c'est du son dance floor et des vannes. Pourri mais des vannes. Il y aura peut-être une vanne à 6h d'ailleurs. Arrête ton cinéma, tu ne veux pas en faire. Tu vas devoir encore te faire rouler un patin par Toff en direct. Ah, c'est JB. La dernière fois j'en ai fait une, j'ai plus ce que c'était. Ouais, t'as roulé un patin, ouais. Non, non, j'avais fait une. Ah, si. Ah, oui, si, je sais ce que c'était. C'était quoi? C'était Pitbull de neige. Il est content. Ah, et après, et je suis content que Camille ne rigole pas du tout. C'est-à-dire qu'elle a dit putain, il fait tiède. Ouais. Ah, si. Mais non, elle te fait rire. Ah non, je crois pas, non. Mais il y a eu Pitbull de Flipper aussi. Elle t'a fait marrer ou pas? Non, pas vraiment. Parfait. Elle a pas de goût, c'est bon. Ah, c'est vrai, ça. Ah, bah merci. De rien. Montpellier. Montpellier. Alors, Montpellier, parce que je connais un petit peu Montpellier. Alors, c'est dans le nord. Hein, faites attention, couvrez-vous bien parce qu'il fera froid. Non, dans l'équipe de Fun Radio Méditerranée, vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sylvain. Ah, c'est celui pas... qui t'a dit que c'est un enculé. Non, non, non, j'adore. Mais, oui, c'est alors, ça, on a compris, ouais. Toff, tu vas l'aimer parce qu'en fait, comment te dire, il aime beaucoup les femmes. Suce ma bite. Mais voilà, non mais c'est ça, ça il peut le dire aux femmes. C'est-à-dire qu'il va voir Sandro, je pense qu'il va même pas te dire bonjour Sandro. Il va te dire quand est-ce qu'on... Suce ma bite. D'accord, bah c'est bien de me prévenir, merci. Voilà, il s'appelle Sylvain. D'accord. Voilà. Non mais je vous le dis. Très bien. J'ai des anecdotes avec lui. Bah oui, là on est là, profitons-en. Non mais vous avez pas le camé parce qu'en fait il est comme ça, voilà, il aime le sexe. Ouais mais très bien, mais voilà. Là on est là, donc profitons-en. Mais c'est bon, il va pouvoir nous emmener dans des clubs un peu sympas. Ah oui, si tu veux. Non, génial. On savait pas quoi faire vendredi soir. Sans souci. Ah oh, d'accord, ok. Moi je croyais que t'avais mieux là. Ah comme, ouais, comme non, anecdote, non, non, hein. non, bah, on a rien fait ensemble, on n'a pas passé des soirs. Ouais, ouais, c'est ça, mais t'inquiète pas, on va se renseigner. Hein. Oh là là. La France. La France. Oui, la France. Donc en fait, tu avais déjà découvert ce petit côté homosexuel avant moi. Calme-toi. Ouais, on a compris, ouais. Bon, JB la nuit, vous allez vous faire chier jusqu'à 6h, bon courage. De toute façon, tu me fais perdre toute mon audience, vraiment pas cool. Mais non. Arrête ton cinéma, t'es sérieux? On t'aime, ouais. JB. Merci. Regarde là, je te rends service, là, on traîne jusqu'à 2h15. Ouais. Je te laisse, c'est pour toi le quart d'heure là. Non mais c'est vrai, ouais, je te le laisse. Tiens, il est à toi. C'est cadeau. Tarif supplémentaire. C'est exactement, c'est cadeau. J'espère que t'as négocié avec la grande direction des primes d'audience parce que. Oui. D'ailleurs demain on a une réunion à midi et demi, vous allez pas venir. Ah, bah non. Ah non parce que à ce moment-là on est dans l'avion nous. Ouais, mais on pensera à toi JB. Mais je vous appellerai, je vous ferai un brief. T'as des Jimmy Choo là au pied? Non, c'est des Converts. Non parce qu'en fait il faut savoir que Karima de Vidfun a été fière de ses nouvelles chaussures, c'était des Jimmy Choo qui avaient la classe. Ouais. Alors que toi t'es arrivé avec. Mais moi regarde, elles sont usées. Ouais non bah elles sont mais depuis le début elles sont usées. Bien Polo. Polo, je t'aime beaucoup. J'ai toujours soutenu. Je t'ai toujours soutenu. J'aime Polo. Beaucoup non, JB. Pas les Converts JB. Bon. Non mais attention, hey, c'est des Converts avec des clous. Ouais. Si si. Ah là mais allez voir, mais c'est oui. Des Converts avec des clous. Oh la honte. Oh, ça t'excite sans haut. Un petit peu ouais. Ah, ah les gars. Ouais, bah écoute. Bon bah là il va pas y avoir d'animateur à ce nu, je crois. Ouais. Eh ben, tant mieux finalement. Hein. JB va se pendre avec ses lacets. Voilà, c'est bien pour tout le monde. Bon, on met quoi alors comme son là? On met ce que tu veux. Rage Against the Machine. Quoi? Tu dis Rage Against the Machine. Mais arrêtez. Mais quoi? Il sait pas ce que c'est. Mais non, ah, mais tu connais pas. Ah, bah mais c'est si. Pour ça, allez. C'est ton c'est ça, mais oui, bien sûr. Mais tu connais pas alors, vraiment, sincèrement? Mais si, mais. Mais quoi? Bah les gars, bon, on tu va connais, jouer tu connais ou tu connais pas? Je connais. D'accord, non, mais très bien, il fallait le dire. C'est pour JB ça. Bah, tu connais même pas. Bah non mais. Vas-y, sortez basket à clous maintenant. Ouais, là, tu sortais basket à clous là. Bon, Simone, t'envoies quoi là, Hot City? Eh ben, je viens de te dire, du gaz de machine. Oh, Polo, il est en transe. Oh, j'adore, c'est... Il est là de la air guitare. Ah, t'inquiète pas, nous, on fait des pogos hein, avant l'émission et dans la voiture. Ouais. Hein. Regarde, là, il y a son petit crâne chauve qui commence à transpirer. Ouais. Là, on fait ça, on fait des pogos et tout, on est en mode à la cool. Hein. Ou alors, on se quitte avec ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ou alors ça. Papa. Bon, à la mine, je préfère celui-là. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est quoi? La France. Attends, faut que je regarde si je donne entier, là, attends une seconde. Non mais les gars. Attends. Là, je rappelle que demain on a une réunion, c'est-à-dire que potentiellement je peux croiser la direction. Je m'en branle, je suis pas là. Alors attends. Merde, j'ai que EPC là, vite. Il me faut One Chewbac, stagiaire, dépêche-toi. Au lieu de discuter là. Alors attendez. On l'a frisé. Il a déjà... Ah non mais c'est scandaleux le stagiaire comme ça. Il a déjà le manteau. Il a déjà le manteau. Mais il est déjà parti lui. C'est scandaleux. Balance de délégué de classe. C'est vrai. J'en connais deux qui aimeraient être à ta place. Le stagiaire il est là, il est à la cool, il ouvre son ordinateur. Ouais, je te casse pas la tête. Merci stagiaire. Merci. Bon allez, voilà, on va se mettre un bon son tiens pour partir à la cool. Hein. Allez, c'est, je rappelle donc à la direction, hein, à Jérôme bien entendu, au sous-chef et au sous-sous-chef, c'est une demande express de notre ami JB. Voilà, donc on va le mettre maintenant. C'est JB qui voulait absolument écouter ça. Donc on se retrouve demain. Merci JB d'avoir choisi ce morceau, c'est parfait. On se retrouve demain à Montpellier. Merci beaucoup les gars. Salut tout le monde. Merci JB. Hein. C'est là qu'on sent que t'es un vrai mec de radio et que tu vois, tu fais attention à ce que les auditeurs demandent là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup JB. Hein. Merci hein. Allez, merci beaucoup JB, allez c'est parti. Allez, Jackson 5, I want you back. On se retrouve dimanche 20h en direct de Montpellier. Salut tout le monde. Ah bah merci en tout cas JB hein, pour le son là, vraiment là, c'est cool. Il y a GTR d'ailleurs qui dit bonne nuit l'équipe, vous assurez. Et il y a même un message qui dit le petit Jackson 5 là il fout la patate. Voilà, c'est MiG 10 30 350. Ah oui la patate. T'as vu, cool. C'est génial. Ah. Bon allez, retour à la normale. Je sais pas. Enfin du bon son dance floor. Arrête ton cinéma, genre Jackson 5 c'est pas du bon son. Non. Hein. Un peu de respect s'il te plaît. Un peu de respect. Sans Jackson tu n'aurais pas la musique que tu vas passer maintenant. Hein. D'accord Michael. C'est comme Kurt Cobain. Merci à Sandro. Un peu de respect. Merci à Sandro qui est dans le couloir de dans Fun le couloir Radio. Mais elle se balade en fait. C'est parce qu'il y a des vitres. Elle fait un striptease. Ouais c'est vrai, voilà. Elle est jolie nue quand même. Et, bah je sais pas. Écoute, elle va se dessaper dans quelques minutes là, donc bah, elle, voir ça. Elle est déjà nue là. Voilà. On fait de la radio. C'est bizarre parce qu'il y a JB dans l'autre studio. Donc en fait je le vois avec sa tête de con là, dans son studio tout rose. Je suis dans le studio numéro 97 de Fun, voilà, Radio. Alors que moi je suis dans le studio viril. Toi t'es dans le studio rose. Voilà. Mais c'est pas grave hein, c'est pas... Ça arrive même au meilleur. Et pas de soucis. Bon allez, on se le remet. Non. Point trop n'en faut. Oui, c'est vrai. Bon, allez, merci à Simone. Tout le monde, hein. Merci Simone. Tu m'appelles encore une fois Simone, ça va mal se pisser, tu vas voir. Ça va voir. Bon, allez, je me casse. À Montpellier, rendez-vous dimanche. Salut tout le monde. Salut Simone. Jackson 5. Bruno dans la radio dès 6h. Et puis d'ici là, il y aura le nouveau Pitbull et Kesha. Ah bon? Oui. Oui, d'accord. Oui. J'aime bien ce nouveau Pitbull et Kesha. Oh, oui, très bien. Et puis là. Rihanna, tu sais que c'est ma meuf, avec Eminem sur Fun Radio. Mais tu le fais à chaque fois ça? Le Salut Simone. Oh, génial. Oh, je kiffe tellement. J'adore. Allez, il faut partir. Oui, bah c'est bon. Allez, par. Bah remets-le maintenant, là, on l'a pollué, le pauvre là. Et les gens qui sont fans. Bon, remets-le et on se tait. Bon, arrête-le, voilà. Hop, c'est bon, maintenant on peut y aller. Voilà. Allez. Bon. Au revoir mon grand. Salut Simone. Pitbull, Kesha, le tout nouveau. Bruno dans la radio à 6h. Et puis là donc, comme promis, en entier, le tube ouais, de Eminem. Si et Rihanna. Allez, va-t'en.